Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Olivier Lessard, voici le coup en passe. Olivier Léhi le sort. Salut. Bon matin à vous deux. Hey, tu sais, à chaque semaine, tu me dis, hey, ça te tente pas de mettre mon fond un peu moins dérangeant? Moi, je l'arrête là, puis je pars à l'autre. Et pas que tu me le dises. Je ne dirai pas quoi faire. Je l'arrête l'autre directement. Tu te prends mal, hein? C'est. Tu prends ça personnel. Clac, je t'arrête ça là. Ouais. Oh, Mathieu prend tout personnel. Flou, flou, flou. Ben oui, je sais. Wiki, wiki. C'est à la table tournante, je t'arrête ça. Clac. Okay. Bonjour Olivier. Je t'ai laissé aller dans tes... onomatopées. Dans tes onomatopées. Onomat étant mon premier nom avant mon prénom, comme Ono. C'est ça, Ono. Onoma. Matt Ono. Oh, le frère à Yoko Ono, c'est ça? À Yoko Ono, c'est hey. Ça. Hey, vous êtes sur la coche ces jeux de mots, pourtant il est encore tôt. Ben Colin, je sais pas ce qui vous arrive. Ouais, j'ai déjeuné déjà, d'habitude je déjeune pendant l'émission. Quoi? J'ai déjeuné avant. Tu fais pas ça en studio, c'est interdit. Ben non. Ben non, mais je suis plugué par intraveineuse. Ah, ok. C'est légal, c'est pas écrit sur la pancarte. C'est ça. Ah. Ça serait nice, une pancarte. Pas d'intraveineuse. Intraveineuse. Bon. On parle de musique avec toi. On parle de musique. Comme d'habitude, moi, ça fait comme 6 chroniques, vous remarquerez, que je plug le printemps, tu sais, parce qu'il fait de plus en plus beau. Puis là, je trouve tout le temps un lien à faire avec le printemps, parce que c'est souvent le il faut faire des liens dans la vie, sinon ma chronique serait pas d'appoint. Ça s'appelle le courant en passe, même que le courant en passe quelque part. Là, hein? Ben c'est ça. Ben, ouais. Fait que là, je fais encore un lien avec le printemps, mais cette fois-ci, on l'a. Là, le printemps est bien commencé. C'est installé. Et il est tellement commencé que je peux commencer à faire des chroniques sur l'été. Parler de l'été, c'est ça. Ouais, c'est ça. Changer des pneus? Non. Non. Bon, printemps n'est pas si là que ça, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. On se calme. Mm-hmm. Quand je change des pneus, là, par exemple? Il a changé ses arbres qui sont rendus épineux, par exemple, à place d'avoir juste des branches. Épineux, non, mais ils perdent pas leurs épines, l'hiver. Tu essaies de faire un lien avec des pneus, ça. Merci. Merci. Ah! Épineux! Ouais, épineux. Je l'avais même pas compris. Ah, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de festival. Okay. De festival, parce que vous, chers auditeurs, devez sûrement triper sur les festivals. Vous allez dans plusieurs cet été. Et là, bien sûr, là, on a entendu la nouvelle programmation du festival d'été, ouais. Entre autres. Donc, vous allez avec, être... Avec Colin, c'est quoi? C'est Nickelback! Nickelback! Motherfucking Nickelback qui va être au festival d'été de Québec. Hey, puis c'est qui va être en première partie de Nickelback? Deep Purple. Ah, ça fou! Deep Purple? Ouais. Hein? J'aurais fait l'inverse. Ouais, non, mais c'est ça, j'en ai jasé avec un de mes amis. Il m'a fait penser quand même que ça va permettre d'aller voir Deep Purple, ouais. Et de peut-être malencontreusement quitter le l'espace avant ouais, que Nickelback. Ouais, trop chaud, plus être capable de s'en aller et de pogner écouter Nickelback. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, là, moi je vais vous parler de festivals aujourd'hui dans lesquels il n'y a pas Nickelback et il n'y a pas les Rolling Stones. Parce que c'est le fun des spectacles à 200 000 personnes, mais c'est le fun aussi des fois des trucs plus relax, où on peut rencontrer l'autre, lui jaser d'amour. Il n'y a plus de musique, je me suis dit que ça va être le moment pour être New Age un peu. C'est rare que tu parles aussi longtemps que ça d'habitude. Oui, effectivement. Donc, je parle de trois nouveaux festivals, ou presque nouveaux festivals. Par nouveau, j'entends un 5 ans, mettons. Ouais, ouais. Le premier étant La Grosse Lanterne, peut-être que vous avez entendu parler. Ah non. OK, c'est un nouveau festival, c'est commencé... Lanterne, sont deux termes que j'aurais pas aimé comme titre de festival. Lanterne, ah oui, lanterne. Non, ouais, c'est un mot. Ouais. Hey, ah, ça, je l'aime bien. Ça, c'est une belle analyse. Hey, merci, je suis là pour ça. Ouais. Grosse Lanterne, ça se passe dans la grande municipalité de Béthanie, qui est de 314 habitants. Okay. C'est en Montérégie, c'est tout près de Granby, Sherbrooke. C'est comme dans le milieu, là, c'est là où les chemins se croisent. Ça se passe en pleine forêt le 7 et 8 août. Mm-hmm. Donc, pour les fans du Woodstock, peut-être, qui voient bien là, qu'il n'y aura pas de saison cette année. Ouais, ça peut être le fun parce que là, c'est du vrai camping sauvage. Moi, je trouve ça cool parce qu'ils précisent qu'on n'a pas le droit d'avoir de VR parce que ça, c'est plate. Tu sais, quand tu arrives à un événement et que c'est juste une grande lignée de VR, puis toi, tu t'assis un peu peinard avec ta tente à côté. Puis c'est triché. Ben, c'est ça. Il use la grande ville, mais dans une petite maison mobile. Genre, ben oui. Un VR. Ouais. De toute façon, il n'y a rien de courageux là-dedans. Là. C'est pas comme s'il y avait d'autres. Il n'y a même pas de motel à Béthanie. Fait que, les autres, c'est le gros luxe. Mais non, c'est ça. Ça va être camping sauvage. Bref, ils vont passer des barbecues aussi. Pour ceux qui en veulent. Hein? On va pouvoir se faire de la bouffe, c'est barbecue. On est dans le bois, donc pas de guichet. T'amènes ton argent. Bien précisé, t'en amènes beaucoup parce que ils te permettent quand même pas d'apporter ta bière. Ça, c'est l'aspect un peu triste. Et pour faire la comparaison avec Woodstock, justement. Woodstock, on avait le droit d'apporter notre bière. Ça, c'était un plus. C'est vraiment pas cher. C'est 37$ pour la passe. Et il y a quand même là, des gros bands, dont le premier étant Malajube, qui fait un gros coming back. Moi, juste pour ça me fait capoter. J'étais un gros fan de Malajube. Mais il faut faire attention, précisons-le, parce que Malajube donne un très bon show sur deux. Ben voyons. Il y a un show où ils sont incroyables, puis l'autre show... Ouais. Ah ben... Ouais, comme pile ou face. Ouais, c'est ça. Ça dépend de l'humeur, en fait, des membres du groupe. Crime. Ça dépend à quelle heure se sont levés. Là. C'est ça. C'est ça. Ils ont eu un dégât d'eau le matin. Ça peut arriver. Des fois, ça peut changer ta journée. Ça. Exact. Ouais. C'est bon. Et à part de ça, ben, y a d'autres trucs aussi. Il y a Lord Larry Adjust, il y a Corias, Milk and Bone, Ponctuation. Il va y avoir Country, il va y avoir Heat. Heat comme les Heat de Miami. Comme là. Chaleur, genre. L'équipe de basket. Mm-hmm. Ah ouais, Mathieu connaît ça, le basket. Ben t'as replacé l'équipe? Là, je comprends. Ben oui. Hey, Michael Jordan a déjà été dans cette équipe-là. Ah, ben là, ça change tout. Aïe, aïe. Moi, je pensais qu'il avait joué pour les Looney Tunes. Space Jam. Confiture de l'espace, on avait parlé l'autre fois. Confiture de l'espace? Space Jam. Ah oui, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. J'aime ça à chaque fois, tu sais. J'ai pas le choix de le dire. Ouais. C'est drôle. En tout cas, moi, je travaille pour votre culture personnelle et surtout pour vous gagner à Trivia Crack. Ah, ouh. Je préfère Quiz Up. Ah, ben, OK. On sait bien. Jamais du même bord que les autres, toi. Et dernier petit détail, ouais. Il va y avoir de la bière locale. Cool. La bière des microbrasseries de Sherbrooke, notamment. Donc, ça, c'est très, très cool. Et j'avais le goût de faire écouter un extrait, mais j'en ferai pas une de Lord Larry parce que tout le monde connaît ça. Ouais. Tout le monde. Si vous connaissez pas ça, sachez-le, vous le connaissez. Ouais, exact. Et donc, je vais vous faire écouter Heat. Qui est un band assez peu connu pour l'instant. C'est un band de Montréal qui joue du indie, un petit peu shoegaze sur les bars. Ça sonne un peu comme The Strokes et toutes les autres bands qui commencent par deux puis qui viennent de Brooklyn. c'est pas super original, mais c'est très très bon. La pièce s'appelle Rooms. Exact. On écoute ça dans le courant bar. In reality. Nice, pas sympathique. Ben oui. C'était chaleur avec pièce. Ouais, c'est ça. Ça, je disais, c'est surtout bien dans le bois, ça. Ça ouais. C'est... je vais vous parler de deux autres festivals. Puis celui-là, j'étais bien emballé de vous en parler. Ça s'appelle le Balcon Fest. Balcon Fest. Le Balcon Fest, ça s'est fait dans plusieurs autres villes sous le nom de Porch Fest, qui est en anglais. Ben oui, un Balcon Porch, ben oui. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à New York. Et maintenant, c'est dans Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, un quartier de Montréal. Ah oui. Et, ah! Oui. Ça semblait aussi. Ça se passe le 2 mai prochain. Et il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a même pas de groupe, en fait. OK. Il y a un suspense, hein? Ouais, je comprends rien. Suspense. Attendez un peu, je vais laisser planer. OK. en fait, là, le concept, c'est que il va y avoir des shows sur tous les balcons du quartier. Arrête donc. Ouais. Puis l'histoire, là, c'est comme un festival bien, bien communautaire. Tu t'inscris à ça, tu dis « Yo, j'ai un balcon! » Ou tu peux prendre le balcon de quelqu'un d'autre. Et dans le fond, t'as juste une responsabilité de jouer pendant une heure à l'heure qu'ils t'ont fixé. Et en fait, quand le festival va avoir eu toutes les demandes, les inscriptions des bandes qui veulent jouer, ben ils vont faire un horaire avec ça. Puis ils vont s'arranger, tu sais, pour que géographiquement, ça soit coordonné. Fait que toi, comme spectateur, ben tu vas pouvoir faire le tour. Il va y avoir, mettons, 2-3 shows en même temps, mais tu peux quand même les écouter au complet puis avoir des shows à toutes les heures. C'est donc bien cool comme concept. Ouais. C'est hot, hein? Mais ça se peut que tu pognes un show de merde, là. Ben oui. Ben oui, mais tu vas sur l'autre balcon. Ah, sinon, c'est cool. Tu marches. Ou si c'est pas bon, tu rentres en dedans puis tu vas écouter un film. Puis pour ceux qui n'auraient pas de balcon, ben, tu peux faire ça dans ta cour aussi. T'as le droit. Vraiment le fun, ça. Et le dernier festival est beaucoup plus connu, quand même. Ça s'appelle le Pouza Fest. Oui, ben oui. Qui est à Montréal. J'ai décidé d'en parler parce que c'est très, très cool. Et au temps où à peu près tous les gros festivals font tout emmener des bands punk des années 90, là, puis on capote. Puis on se dit, crème, y a-tu quelque chose qui s'est fait, mettons, depuis Bad Religion dans le punk, dans le monde? Parce que c'est un peu ça, hein, Rockfest. Ils ont Bad Religion, Rancid, Refuse, Propagandhi. C'est cool, mais tu sais, il s'est fait autre chose. Et c'est ça que le Pouza Fest vient nous apporter avec plus de 200 groupes. Et là, c'est que des bandes de punk. Là, il n'y aura pas... tu sais, hein, essaye pas d'en chercher d'autres. C'est juste du punk. Ben oui. C'est ça le concept. Ben oui. C'est correct, des fois, qu'il y ait des festivals avec un concept. T'sais. Si c'est clair, ben oui. Ça plaît au public cible de ce festival-là, il n'y en a pas de problème. Ben exactement. Ça se passe le 15 au 17 mai, dans le centre-ville de Montréal. Ça répète ailleurs que Montréal, là quand même. Là, mais, Tout le temps, c'est à Montréal. Ben mais c'est encore ça. Et c'est ça, ça joue sur le sentiment de communauté de la scène punk de Montréal, parce que le punk à Montréal, c'est quand même... Ça dure depuis longtemps, ouais. C'est une belle histoire d'amour. Et d'ailleurs, le festival a été parti par des gars des St. Catharines, qui est ouais. Un band presque culte, je dirais, de Montréal. Donc, ce festival de découverte, il va y avoir plusieurs bands que j'apprécie, dont Guerrilla Poubelle, j'en ai sorti il y a une couple. Municipal Waste. Qui, ça, c'est rough. Ça, c'est très rough, mais c'est bien le fun. Et certains bands un peu plus hardcore aussi, dont Get the Shot. Et l'extrait que je vais vous montrer, extrait ou caméra chanson, 3. Là, tu le décideras, caméra 3. Ça s'appelle Nick à Feu, c'est un band de Rouyn-Noranda que j'ai eu la chance de rencontrer, de voir souvent en show. À Rouyn-Noranda, quand eux autres ils jouent, là, les gens capotent. Là. Ils les connaissent vraiment beaucoup. Fait que là, je trouve ça le fun que je vais aller voir à Montréal. La chanson s'appelle Le Pit de Sable okay. Par Nick à Feu. On est comme ça. Et c'est là-dessus, moi, que je vais vous quitter. Oui, donc, merci, Olivier. Avec plaisir. À la semaine prochaine, yes. Lundi 7h30. Pour le courant passe à Assemblage. Sur ma bouteille en train de gosser une mouche chamarre de luxe chromé. Tu me rappelles que ça va être l'été. Yeah. j'étais malade. On recommençait, c'était normal. Dans notre coin, même dans le garage, du bureau de poste à la presqu'île, c'était nous autres les kings de la ville. C'était Nick Affer et Pete de Saube. Dans les chroniques, le courant passe à Assemblage Requis et on retrouve Olivier Lessard tous les lundis à 7h30. C'est lui qui débute notre semaine en beauté. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. C'est un bagagiste qui s'endort dans une soute à bagages et l'avion décolle. Un bagagiste s'est endormi et a été enfermé par erreur dans la soute d'un avion d'Alaska Airlines, forçant ainsi les pilotes à faire demi-tour et à effectuer un atterrissage d'urgence à Seattle, après l'avoir entendu taper sur la carlingue. Immédiatement après le décollage, le commandant de bord du vol Alaska Airlines 448, qui partait de Seattle au nord-ouest des États-Unis en direction de Los Angeles, a fait savoir qu'il entendait des coups venant du dessous de l'avion, explique la compagnie dans un message sur son blog. Le capitaine est immédiatement retourné à Seattle, demandant à faire un atterrissage prioritaire d'urgence. L'avion est resté dans les airs 14 minutes au total, précise ce message. Après l'atterrissage, le bagagiste a été découvert à l'avant de la soute, qui est pressurisée et où la température est contrôlée. Il a dit aux autorités qu'il s'est endormi, ajoute la compagnie, qui dit enquêter maintenant sur cet incident. La Station spatiale internationale a sa machine espresso. Saviez-vous que la Station spatiale internationale avait reçu en novembre dernier sa première machine à espresso et elle était évidemment italienne? ISS Presso, c'est son nom et il est le fruit d'une collaboration avec l'agence spatiale italienne de la compagnie italienne de génie Argotech et Lavazza, un producteur italien de café vieux de plus de 120 ans. L'appareil, fait la taille d'un micro-ondes et fonctionne avec des petites capsules de café, une façon d'éviter que des grains ne s'envolent partout dans la station. 4 mois plus tard, on ignore toujours si les astronautes préfèrent leur espresso le matin ou l'après-midi, mais comme la station assiste à 14 levées de soleil par jour, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Hein? Ah, t'as peu le pilou. Oh, là, il nous montre ici 14 signes que vous êtes accro au café. Une tasse, c'est jamais assez. C'est la seule raison pour laquelle vous vous levez le matin. Une tasse de café vous donne à nouveau espoir en l'humanité. Vous préfériez boire une tasse de café, de mauvais café, que pas de café du tout. Ah, ça, c'est bon. C'est vraiment un signe que vous aimez le café. Vous gardez du café instantané en réserve au cas où. Ça, c'est sûr que t'es accro au café. Vers 16h, vous ne savez déjà plus combien de tasses vous avez bu. Voilà comment vous vous sentez chaque seconde, chaque seconde de chaque jour. Là, je sais pas, il y a une photo, mais j'ai pas, il n'y a pas de lien. Vous avez déjà pensé à mélanger votre café à du café, hein, au lieu d'ajouter du sucre ou quelque chose. Donc, on va ajouter un peu de café. Si vous n'avez pas bu de café avant midi, vous attraperez une migraine carabinée, encore pire lorsque vous buvez deux shots de tequila. Hein? Autre signe que vous êtes accro au café, eh bien, vous avez plus d'une option pour préparer votre café. Vous avez plus d'une option, oui, pour préparer votre café. On ne sait jamais quand on aura besoin d'une solution de secours. Hein. Vous avez le bodum, vous avez la cafetière, vous avez la cochonnerie, genre petite capsule de café. Vous avez l'espresso, vous avez, tu sais, hein, vous avez quelque chose pour vous débarder. Vous avez votre, au cas, justement, votre café instant. Autre signe que vous êtes accro au café, vous avez déjà essayé d'arrêter le café et c'était pire, les pires 24 heures de votre vie. Vous avez déjà fait des glaçons au café hein, pour pouvoir le refroidir. Ça, c'était vraiment un accro. Sans café, vous vous transformez en monstre. Sérieusement, les gens doivent s'éloigner. C'était des signes que vous êtes vraiment accro au café. Ah, ici, que faire quand on est sur le point de vous surprendre sur Pornhub? Certainement pas ceci, hein? Eh bien, voilà une situation que beaucoup de jeunes hommes reconnaîtront. Hein? Seul, dans la pénombre de votre chambre à coucher, vous écoutez un quelconque film adulte quand soudain, vous entendez le bruit des pas d'un de vos parents qui monte les escaliers. La réaction habituelle, fermer le navigateur et détruire l'épreuve. Sauf, qu'est-ce qui se passe si l'ordinateur est gelé? Alors, voilà la situation dans laquelle Denzel Michael Huque, un londonien, s'est retrouvé récemment lorsqu'il s'amusait sur Pornhub et que sa mère s'approchait de sa chambre. Il a publié sur Twitter une photo de son ordinateur portable brisé en déclarant que c'est tout ce qu'il a pu faire avant que sa mère n'entre dans la pièce. Eh bien oui, d'autres utilisateurs se sont demandé pourquoi le jeune homme n'avait pas tout simplement fermé l'écran, débranché la batterie ou tout simplement tenté de forcer la fermeture de l'appareil. « Tu es très mauvais sous la pression, n'est-ce pas? » a ajouté quelqu'un. À cela, Denzel Michael Huque a répondu avec une photo de joueur de soccer argentin, Javier Mascherano, qui s'était blessé à la tête, mais qui s'est aussi déchiré l'anus en tentant de bloquer un ballon lors de la Coupe du Monde l'an dernier. Détruire son ordinateur n'est certainement pas l'action la plus intelligente. Toutefois, l'important, c'est que le pire a été évité. Ah ben oui, c'est ça. Mais tu sais, tu peux assumer aussi, puis c'est pas grave, hein. Un homme sauve son chien des glaces du canal de la Chine. Et l'homme aussi a finalement été sauvé. Hein? Un homme et son chien sauvés des glaces. Donc, un homme et son chien coincés sur une plaque de glace au milieu du canal de la Chine ont été secourus par une équipe de sauvetage des pompiers de Montréal dimanche matin. Un témoin a indiqué que l'homme se promenait avec ses deux chiens lorsque l'un d'eux a sauté à l'eau. L'homme s'est porté au secours du chien, mais les deux sont restés pris sur la glace. Le témoin a appelé les secours qui sont arrivés sur les lieux vers 10h30. Au début, je pensais que c'était une marmotte ou quelque chose comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un chien et qu'il y avait aussi un homme. J'ai appelé le 911, a expliqué Jason Hughes sur les ondes de CBC. Une équipe de sauvetage est venue secourir l'homme et son chien et les deux ont été ramenés sur la terre ferme environ 20 minutes plus tard. L'homme a ensuite été amené à l'hôpital parce qu'il souffrait d'une légère hypothermie. L'homme et le chien devraient s'en tirer sans séquelles. Les pompiers ont d'ailleurs rappelé qu'il est dangereux d'agir comme le maître l'a fait pour son chien en plongeant dans l'eau glacée pour le récupérer. Non, je sais pas. Effectivement, hein, peut-être pas la meilleure idée. Je sais pas, je dis de même. Hein? Sinon, le Quidditch, hein? Jouer au Quidditch à l'université du Manitoba, le saviez-vous, c'est possible. Eh bien oui, un sport tiré de la populaire série fantastique Harry Potter sera bientôt pratiqué à l'université du Manitoba. Le service récréatif de l'établissement a confirmé que le Quidditch sera offert par la liste des sports intramuraux dès le mois de mai. Dans cette version du sport, les étudiants, à défaut de voler, courent en chevauchant leur balai. Ils sont à la poursuite du griffon d'or magique, soit une balle de tennis. Dans ce cas-ci, le souafle, une balle rouge, est remplacé par un ballon de volleyball. OK, mais le griffon d'or magique, là, la balle de tennis, comment qu'elle fait? Elle vole tout seule? On se le demande. Hein? Le service récréatif de l'université tente actuellement de trouver la meilleure manière d'adapter le jeu à des moldus, qu'on dit, qui sont non sorciers. Hein? Kyla Ray explique qu'il y a plusieurs équipes au pays, dont une à l'Université McGill à Montréal. Le Quidditch n'est pas le seul sport non conventionnel qui est offert à l'Université du Manitoba. Des compétitions d'escalade et de water polo sur chambre à air sont aussi organisées. Vous pouvez aller voir une vidéo qui explique les règles et le déroulement d'une partie de Quidditch via la page Facebook du Dîner de cons. Ici, vous le savez, c'est la fermeture, hein, ça a été la fermeture de Future Shop. Alors, magasiner chez Best Buy ou Future Shop, c'est mélangeant ces temps-ci. Et voici un petit truc en photo. On savait que la transition de Future Shop à Best Buy ne se ferait pas sans heure, sauf qu'en ce moment, ça peut être carrément mélangeant d'aller magasiner chez le détaillant électronique. La déco et les insignes portent encore la couleur et le nom de Future Shop, mais à la caisse, c'est bien un employé de Best Buy vêtu de bleu qui scanne vos articles. Rappelons que 65 magasins Future Shop ont été convertis en Best Buy au lieu d'être fermés. Comme les autres, la chaîne a jusqu'à 18 mois pour changer ses couleurs du bleu vers le bleu de Best Buy. Et on peut aller voir ce que ça peut donner comme look. Ça fait un petit peu étrange, mais quand même rien d'extraordinaire. Hein? De toute façon, Best Buy et puis Future Shop ont toujours été pas mal similaires. Hein? Le blâme de la fermeture de Future Shop a été mis sur la popularité des achats en ligne et sur la possibilité de trouver des conseils d'experts sur Internet. Selon un expert en la matière, la fin de Future Shop et de Target pourrait être un signal aux centres commerciaux signifiant qu'il faut commencer à faire plus de place aux aires récréatives et des bureaux... faire plus d'aires récréatives et des bureaux et moins aux magasins de très grande surface. Eh bien oui. Vous, est-ce que ça va changer quelque chose? Nous, ici à Trois-Rivières, en tout cas, on est touchés par le fait que désormais, on va avoir un Best Buy. Ici, un petit time waster que je vous propose. C'est une bonne idée pour passer du temps avec de simples verres en plastique. Alors, que peut-on faire avec un gobelet en plastique et un stylo feutre, hein, à part écrire son nom pour éviter que quelqu'un d'autre ne le prenne? Eh bien, nous sommes vite à court d'idées, mais un utilisateur du site Reddit, hein, réseau social, a beaucoup plus d'imagination que nous. Depuis une quinzaine de jours, un certain Topper Santage s'amuse à personnaliser ses gobelets en plastique et à les transformer en générateurs de personnages. Sur un premier gobelet, il dessine une silhouette type que vient personnaliser ses cheveux et lunettes, vêtements ou moustaches, dessinés eux sur un deuxième gobelet. Empiler donc les deux gobelets, tourner et ajuster jusqu'à créer des personnages à l'infini, car évidemment, plus il y a de gobelets superposés, plus il est possible d'ajouter des détails. Vraiment, superbe perte de temps, là, mais c'est bien intéressant, sérieusement. Sans être au niveau du gobelet à café transformé en œuvre d'art anonyme, publié sur Reddit, les timbales personnalisables permettent une certaine créativité, car des dessinateurs au stade Maison-Soleil-Bonhomme... Des dessinateurs au stade Maison-Soleil-Bonhomme aux artistes les plus doués, tout le monde peut s'y essayer. L'idée rencontre, en tout cas, un vif succès sur Facebook, où la vidéo a été partagée plus de 150 000 fois. Et vous allez voir, les enfants vont commencer à en faire. On va commencer à voir ces genres de petites activités dans des garderies ou des centres de la petite enfance, j'en suis sûr. Très, très bonne idée, donc, faire des idées de personnages. Et on pourrait même les filmer, on pourrait les animer même avec cette transparence. Tout est possible et très, très, très créatif. Saviez-vous que les amoureux du grilled cheese font plus souvent l'amour selon un sondage? Hein? Ça rapporte, hein? Eh bien oui, si vous aimez les grilled cheese, vous avez peut-être plus souvent de relations sexuelles que ceux qui ne sont pas amateurs de ce sandwich au fromage fondu. En fait, vos préférences en matière de grilled cheese peuvent en dire beaucoup sur vos habitudes sexuelles. Selon un sondage récent effectué par le réseau social de rencontres Scout, les mangeurs de ce sandwich voient plus d'action. Si vous voyez ce qu'on veut dire, 32% des amateurs ont rapporté avoir des relations sexuelles 6 fois par mois au moins, contre 27% dans l'autre groupe. La recherche a aussi découvert que les amateurs de grilled cheese sont plus généreux et plus aventureux. 81% d'entre eux auraient donné du temps, de l'argent ou de la nourriture à ceux dans le besoin, comparativement à 66% chez ceux qui n'apprécient pas le sandwich le plus simple du monde. Au sondage, on a aussi demandé aux participants qu'est-ce qu'était le grilled cheese parfait et les résultats sont les suivants. Un mélange de fromage cheddar et américain sans autres ingrédients entre deux tranches de pain et de pain blanc avec la croûte. Moi, je vous dirais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre sur le pain, hein, quand on le fait chauffer dans la poêle. En terminant, si vous voulez savoir comment faire le party de grilled cheese le plus réussi, eh bien, je vous propose des recettes de grilled cheese vraiment hallucinantes qui sont attachées à cet article sur la page Facebook du Dîner de cons. Et avant d'aller en musique, je vous parle de ces poubelles qui sont le nouveau défi à relever pour les ratons laveurs de Toronto. Les ratons laveurs qui s'amusent depuis toujours à infester les poubelles des Torontois et à laisser les déchets éparpillés sur leur terrain verront peut-être leur règne de terreur prendre fin. La ville de Toronto souhaite se munir de nouvelles poubelles qui sont plus résistantes aux tentatives des ratons laveurs de s'y infiltrer. Une vidéo qui montre toutes les embûches de ce nouvel outil et que ce nouvel outil pose aux créatures nocturnes a été publiée sur YouTube jeudi dernier. La vidéo compare l'ancien modèle qu'un raton laveur fait tomber en quelques secondes à un nouveau qui pose tant de problèmes que l'animal finit par l'abandonner. Ces bacs nouvelle génération développés par la Ridehand Pacific Company seront acquis par la ville dans le cadre d'un contrat de 31 millions de dollars et si le projet est accepté par le comité des travaux publics, eh bien, les résidents pourront s'en prévaloir si tout va bien dès l'an prochain. Le maire John Tory est en croisade contre les ratons laveurs. Nous avons tout fait dans notre bataille contre la Raccoon Nation. La défaite n'est pas une option, a-t-il blagué. Une recherche menée à l'Université de York montre que les ratons laveurs doivent faire face en ville à de plus en plus de défis. Trafic routier, quantité inférieure de nourriture, ce qui les rend donc plus aptes à survivre et plus difficiles à contrôler. Donc, allez voir ça. C'est vraiment très, très intéressant. Et attaché... Attaché à cet article, eh bien, on vous montre quand la science s'inspire des animaux. Et c'est vraiment très, très intéressant. On a une dizaine d'animaux qui ont inspiré la science dans des nouvelles technologies, entre autres des super oreilles de mouche, la cape d'invisibilité qui a été inspirée de la sèche ou des feuilles de lotus qui a inspiré du tissu. Ça continue vraiment, c'est hallucinant. Il y a les dents de la patelle, oui, qui est le plus dur matériau du monde. Les piquants du porc épic comme aiguille du futur. La feuille artificielle, ah bon, donc qui pourrait être une révolution dans le domaine de l'énergie, hein, il pourrait faire de la photosynthèse, une feuille artificielle, une enzyme aussi dans une pile à hydrogène, une enzyme qui est plutôt organique, des drones insectes, ça fait longtemps qu'on en entend parler, peut-être qu'il y en a plein autour de nous, mais on s'en rend juste pas compte, et la massue de la crevette menthe. Eh bien oui, hein, qu'est-ce que c'est ça? C'est... assez particulier, on va y aller. Tiens, connaissez-vous le stomatopoda, plus communément appelé la crevette menthe? Ce crustacé possède une paire de pattes ravisseuses comme la menthe religieuse. Elles peuvent être de deux types, telle une lance pointue et capable d'embrocher leur proie ou de la forme d'une massue capable de briser les coquilles. James C. Weaver et son équipe se sont intéressés à ces fameuses massues et se sont rendus compte qu'elles avaient des propriétés étonnantes. La surface de frappe est constituée d'un minéral extrêmement résistant, l'hydroxypatite, ce qui forme l'émail dentaire. Derrière cette coque résistante, il y a des couches de chitine, un matériau commun qui compose l'exosquelette de nombreux insectes disposés d'une manière bien particulière. Le but, atténuer l'impact du coup de la massue et éviter que la patte de l'insecte ne se fracture. Aucune application n'a encore été trouvé, mais il est à noter que l'US Air Force a financé en partie cette étude. Alors, si l'armée américaine met de l'argent là, c'est qu'eux voient un potentiel dans cette découverte, hein, bien entendu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est comme la chronique dans laquelle ça fait penser que tu vas manger de la pizza. T'sais. Mais on n'a jamais goûté de pizza, puis c'est vrai qu'on le fera jamais. C'est une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, la crêpe dans laquelle on goûte un produit qu'on a acheté sur le marché, le grand marché public de la vie. que ce soit une épicerie, un dépanneur, un grand centre commercial, une machine à bonbons. Un container de vidange. Ça pourrait être ça, mais ce n'est jamais pour de la pizza, étrangement. Quoique ça pourrait être des Pringles à la pizza, mais c'est j'ai déjà mangé. Fait. C'est quelque chose de nouveau. Ça existe, ouais, ça existe. Il y a plein de chips à la pizza, de temps en temps. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est en fait dans mon petit panier devant toi. Ah! Si tu piges, au fond, c'est une surprise de nos chroniqueuses préférées, qu'on appelle communément Myriam Lorty, qui nous a envoyé un sac de... Wow, c'est dur à lancer, ça. OK. Donc, elle nous a préparé un petit sac de Jelly Bean. Apparemment, il y a des commerces... Oh, ça sent déjà très bon.

Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Sur cet air patriotiste, on va aller rejoindre mon ami Jeff Veilleux. Salut Jeff! Salut, salut Danny, salut les auditeurs. Ça va bien toi? Oui! Donc on s'engrange dans un 30 minutes pour l'indépendance et de quoi on va parler aujourd'hui? Tu te souviens que la semaine passée, je t'ai parlé de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Oui! Qui a pris position, il avait organisé une conférence avec plusieurs personnes présentes, personnalités politiques. Et il y avait 70 personnes présentes quand même à cette conférence. Ça c'était jeudi, ce 5 à 7, mardi dernier. Mardi dernier, là, oui. Voilà une semaine exactement. Et puis, ça a été une grande réussite et pour diverses raisons très précises, ils ont rejeté effectivement le projet de l'éoduc. Oui. Ils se demandaient aussi pourquoi en Mauricie, il n'y a personne qui pose de questions à ce sujet-là. Pourtant, là, l'éoduc va passer sur des terres agricoles, il va même traverser la rivière Saint-Maurice où Trois-Rivières s'abreuve en eau potable. Mm-hmm. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui levait le ton. Comparativement à d'autres régions, d'autres municipalités qui ont déjà refusé ou qui... Mais question comme ça, Jeff, ouais. puis loin de là mon idée de vouloir repousser la merde dans le cours du voisin, là, ouais. Mais c'est absolument ceux qui passent sur la rive nord? Oui, okay. Pour l'instant. Parce que, tu sais, il y a eu bien des chances. Ils changent souvent en ce moment, là. Oui. Ça se promène souvent. Il ne sera plus au Québec, là, en ce moment. Ben, il n'y aura plus de port pétrolier. Non, ils disent même plus au Québec. Là, okay. Ils vont aller vraiment vers le Nouveau-Brunswick pour le port pétrolier en tant que tel. Oui, pour ça, oui. Mais l'oléoduc, il n'y a quasiment pas le choix de passer ben non. Ici, là. OK. Mais c'est parce que je me disais, vu que c'est vers le Nouveau-Brunswick, ça pourrait être sa rive sud aussi. Puis je veux pas plus qu'il passe à la rive sud, là, mais ouais. Je me dis, mettons, pour nos terres ici, sa rive nord en tant que telle, ou pour la rivière Saint-Maurice, je dis pas que c'est mieux. De toute façon, une place ou une autre, c'est pas nécessairement une bonne idée. Puis parce en n'ayant pas ouais. Le port pétrolier, ouais. Finalement, c'est juste d'avoir un tuyau qui passe chez nous. Là. En plus, ouais, au bout c'est du ça. Compte, mettons, même si ça apporte pas tant de jobs, mais là, en plus, c'est encore moins de jobs. Ouais, ouais, ça c'est là, vrai. C'est, on le construit, puis après, plus jamais, on a besoin. On va avoir une. À part, mais qu'il y ait un problème, puis qu'il coule, là, ouais. On va avoir des problèmes, mais sinon, ça apporterait pas grand-chose. Mais comme l'oléoduc part de l'Alberta, ouais. S'ils décident de le faire passer sur la rive sud, ils n'ont pas le choix quand même de traverser le fleuve Saint-Laurent. Oui, ça, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que à date, c'est la rive nord là, okay. Qui est choisie. Puis c'est à partir de Québec que là, il traverserait le fleuve okay. Parce que justement, il est un petit peu... Il est plus mince. Ouais, il est moins large. Okay. Et donc, il y avait eu la journée de l'eau, oui. Il y a deux semaines. Il y avait oui. Quand même 500 personnes à Trois-Rivières pour souligner la journée internationale de l'eau. Et puis samedi dernier, ils étaient 25 000 à Québec pour dénoncer le projet pétrolier là, dans le cadre de la marche Action Climat. J'ai vu aussi que tu avais publié un manifeste là, qui avait oui. Été signé par 10 000 personnes qui s'intitule « Manifeste pour sortir de la dépendance au pétrole ». J'ai ouais. Pas réussi à trouver la date d'origine de ce manifeste-là, okay. Mais ça fait quand même quelques... Ça fait quelques semaines. Ah ouais, OK. Oui, ça fait... Moi, quand je t'en ai parlé, ça faisait peut-être même pas une semaine que c'était sorti. C'était tout nouveau. Là. OK. Donc, déjà 10 000 personnes, ouais. Qui, 10 000 signataires qui soulignent, qui fait la promotion, en fait, du maintien du moratoire sur l'exploration pétrolière. Aussi, l'adoption d'un moratoire permanent sur toute forme de fracturation hydraulique mm-hmm. Et sur l'ensemble du territoire. C'est normal. C'est exactement ce qu'on veut. Hein? Et finalement, que tout projet d'exploration, d'exploitation des ressources qui affecte le territoire des communautés autochtones soit conditionnel à une entente préalable avec ces communautés dans mm-hmm. Une perspective de respect des droits ancestraux. Mais je ne sais pas si tu as entendu parler d'un autre manifeste qui est sorti la semaine dernière et qui s'appelle le Manifeste pour un élan global. Ah, non. On avait eu le refus global en 1948. Oui. Et donc, le Manifeste pour un élan global, c'est un collectif de Québécois issus de milieux culturels, environnementaux, économiques, universitaires et politiques qui ont lancé le 7 avril dernier un mouvement d'objecteurs de conscience déterminés à s'opposer à l'invasion pétrolière de notre territoire et à la destruction du climat au bénéfice de quelques-uns. Donc, il y a déjà 200 citoyens de partout, y compris des représentants des Premières Nations, qui ont signé ce manifeste que je vous invite à aller voir. Il y a quand même 3 pages. Faudrait que tu nous mettes un lien, parce que moi, je l'ai cherché, puis je ne l'avais pas trouvé. Okay. J'avais trouvé le manifeste, mais je n'avais pas trouvé d'endroit où les gens pouvaient le signer. OK. Dans le fond, c'est un courriel que le monde peut envoyer leur signature. OK. Mais c'est ça. Tu nous l'enverras via la page Facebook du Dîner de cons. Ça se termine en disant... Honorons la mémoire de nos frères et de nos sœurs disparus lors de la tragédie de Lac-Mégantic, qui a fait 47 morts, on s'en souvient. Apportons notre soutien aux Premières Nations dans leur lutte pour protéger leur territoire. Protégeons nos enfants, nos petits-enfants et ceux et celles qui suivront. Aujourd'hui, nous proclamons notre droit de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. Nous nous interposerons par tous les moyens de résistance pacifique dont nous disposons. Nous ne nous battons pas pour la nature, nous sommes la nature. Nous sommes la nature qui reprend ses droits. Rien n'arrêtera notre élan. Ben, bravo. Donc, je salue ces auteurs du manifeste pour un élan global qui... on est bon dans les manifestes au Québec, hein? Oui. Donc là, on va peut-être passer aux choses sérieuses parce que c'est un cas... en fait, c'est un enjeu électoral majeur, l'oléoduc. Je vais faire écho à l'article que j'ai publié dans la Zone Campus. J'ai fait un dossier pétrole... ça m'a jeté à terre. Okay. Savais-tu que le projet Énergie-Est, parce que dans le fond, il y en a 2 projets, il y a le projet d'Enbridge qui consiste à inverser d'ici juin cette année, le flux de l'oléoduc 9B. Ça a été construit il y a 40 ans, puis ça se rend jusqu'à Montréal. Puis là, ils veulent inverser le pétrole. Ouais. Puis non seulement ils veulent l'inverser, mais c'est pas du pétrole conventionnel qu'il va y avoir dedans, mais du pétrole plus lourd. Donc, est-ce que l'installation va être capable de le supporter? Ça, c'est une autre très bonne question. Mm-hmm. Puis sinon, il y a le projet de la pétrolière albertaine TransCanada de transformer un port du Bas-Saint-Laurent qui a peut-être là, été Ben ça, à date, ils ont dit annulé, que c'était annulé. En tout cas, c'est pas à Kakuna. Non, ça, c'est sûr que c'est pas à Kakuna, mais même selon les sources que j'ai entendues, c'était même plus au Québec. Ils voulaient plus rien savoir de le faire au Québec. Mais c'était quand même... Mais il faut qu'il passe ici. Oui, parce que le Nouveau-Brunswick, c'est de l'autre bord. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est ça. Mais TransCanada tient quand même à faire une station à risque après avoir construit le plus imposant pipeline d'exportation de l'histoire canadienne. Sur les 4600 km du tracé de l'oléoduc Énergie-Est, il y en a 700 qui sont en sol québécois. En clair, là, le danger nous guette. Ça, c'est sûr. Puis ce projet controversé-là va traverser plus de 600 rivières juste au Québec. Là. L'oléoduc va reposer sous le lit de 62 rivières et s'ajouteront 11 stations de pompage qui contiennent avec des réservoirs qui contiennent 350 000 barils. Donc, c'est un projet monumental qui va toucher près de 2000 propriétaires fonciers au Québec ainsi qu'un très grand nombre de communautés. Mais tu sais, on n'a pas besoin d'attendre un BAP ou une énième étude d'impact pour savoir que ce projet-là, ça n'a pas de sens. Là. C'est clair que ça n'a pas de sens. Fait que, puis le ton commence déjà à monter, puis d'ailleurs. C'est surtout que ça ne rapporte pas. En plus... Tu sais, c'est que ça, si ça rapporte de l'argent pour vrai, ben tu dis, bon, OK, tu peux prendre en compte certaines... Mais là, ça rapportera pas d'argent, vraiment. Ben c'est ridicule. C'est même pas 1% qu'on aurait comme redevance. Exact, comme redevance. C'est 0, des poussières, là. Puis, tu sais, Barack Obama vient d'apposer son propre veto contre le projet de l'oléoduc Keystone XL entre l'Alberta et le Texas. Puis ça met plus de pression sur nous autres, finalement. Mm-hmm. Fait qu'il... Ben, puis le BC aussi, Colombie-Britannique, ils ont décidé... Les Autochtones ont réussi à faire respecter leurs droits et à ne pas passer sur leur terre. Puis ça, en fait, en Colombie-Britannique, là, ça fait 10 ans que TransCanada essaye de passer pour aller vers l'Asie. Ben oui, parce qu'ils sont bien plus proches, en plus. Ouais. Mettons, c'est une moins grosse construction, eux autres, de leur bord, pas mal moins long en kilomètres. Fait que si en 10 ans, ils n'ont pas réussi... Nous, on a quand même des chances de s'opposer. Sauf que là, ça fait 1 an et demi, puis on est presque en train de se faire dire que c'est déjà fait. C'est fait, puis qu'on n'a rien à dire. Puis que les agriculteurs non plus, « Ah, oh, c'est pas grave, c'est des terres ancestrales, on va vous donner quelques centaines, de milliers de piastres, ouais, mm-hmm. mais c'est totalement ridicule pour le scrappage de terrain que ça va tout faire. À fait. C'est, puis il y a déjà 70 municipalités qui ont déjà commencé à refuser le projet, qui se sont déjà prononcées soit en défaveur ou carrément pour l'interdiction, là, comme me semble Prédici, là, j'ai un petit blanc. En tout cas. Mais je sais que l'autre, il n'y a pas de problème avec ça ici, l'évêque, lui, il veut. En effet, la semaine passée, la ville de Trois-Rivières a dit oui. Il a même dit qu'il était prêt à avoir une station de pompage ici. Dans le cours de l'évêque. Ce serait une bonne idée. Sur son terrain, ben oui. Juste à côté, il va pouvoir faire pipi en arrière. Puis il a mis 10 conditions à ce projet-là. Mais c'est totalement incompréhensible. Ben, de toute façon, quand est-ce qu'on va savoir qu'il se lance dans la course conservateur, là? Oui, on attend ça. Parce que là, ils sortent tous en ce moment. Ils sont tous en train de... Parce que la campagne a commencé là, avec Deltel à Québec. Puis Cazin qui vient de sortir. Puis il y a une couple d'autres. Puis le maire de Victo, Nicolette de Victo, je pense. Donc l'autre, l'évêque, est à veille de nous le dire aussi. On lui souhaite de partir. Mais moi, c'est ce que je me dis. J'ai dit, gars, au moins, il ne sera plus ici comme maire. Vraiment. Au moins, si on peut s'en débarrasser comme maire. Parce qu'un député fédéral, on le rappelle, ça a beaucoup moins de pouvoir qu'un maire. Puis surtout un député fédéral sous l'hégémonie de Harper. Ouais, rien, t'as pas aucun pouvoir, il faut que tu fermes ta gueule puis tu suives la ligne de parti. Oui, tout à fait. Fait que, bon, qu'il aille se fermer la gueule avec ses chums, tu sais. Il peut commencer à se pratiquer tout de suite, ben si oui, il veut. Exactement, il pourrait tout de suite commencer à en dire moins. À place de traiter ses citoyens de terroristes parce qu'ils veulent boire de l'eau potable. Exact, c'est ça, de l'eau pure. Et donc, sinon, autrement, là, les municipalités vont tirer quasiment aucun bénéfice. Là. C'est ils assument l'entièreté du risque pour des bénéfices plutôt maigres, voire quasi inexistants. Parce qu'après la construction de l'Héléoduc, il y a seulement 60 emplois directs qui seront créés au Québec. C'est totalement ridicule. C'est beaucoup, hein? Puis pendant ce temps-là, le chef du Parti libéral du Québec continue ou semble approuver la démarche de faire de l'oléoduc le nouveau motif de l'unité canadienne. Les libéraux ne cachent pas leurs préjugés favorables envers le projet de pipeline. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcan, avait lui-même livré un plaidoyer en sa faveur le 11 septembre dernier, tout juste après avoir participé à un souper financé par TransCanada, évidemment. Ici, au pays du pétrodollar, où l'on tente d'encourager par tous les moyens la création d'un pays dépendant d'une mentalité digne du 19e siècle, on préfère croire que l'or noir doit être au centre du nation building. Mm-hmm. On est encore là, là. Puis pourtant, les faits sont là. Il y a près de 3,7 millions de Québécois qui boivent de l'eau à même les cours d'eau qui vont être exposés et menacés en cas de déversement de pétrole. Tu sais, l'eau, là, c'est plus important que le pétrole, puis ça vaut pas mal plus cher, puis on a toujours, on en aura besoin. Tandis que le pétrole, il y a plein de solutions autres. Tu sais, je dis pas d'arrêter de produire du pétrole, on va en avoir besoin, on va faire du plastique, on va faire de quoi, mais de l'utiliser comme on l'utilise là, je pense qu'il serait temps qu'on change nos façons de faire. Et puis c'est le moment, là, c'est exactement le bon moment. T'as bien raison, parce qu'avec 2% de toute l'eau douce au monde, le Québec, l'eau au Québec, c'est notre première ressource naturelle. Exactement. C'est bien plus précieux que les métaux ou les hydrocarbures. Puis t'as pas besoin de la fracturer, elle est là, elle est facile à aller chercher. Ouais. Tout est là. C'est je veux pas prendre ça, ce mot-là, mais c'est le gros bon sens. Tu sais, les radios de Québec sont tout en train de dire « c'est le gros bon sens ». Mais là, ça l'est le vrai bon sens. Là. Parce qu'une eau saine garantit la santé de la population, assure son alimentation, participe à la santé de la flore, de la faune, de l'environnement, bref, tout ce qui nous permet de survivre. Là. Mm-hmm. Ça serait le temps qu'on se réveille. Puis il y a même l'ONU, de son côté, qui craint une pénurie mondiale d'eau potable dès 2030. En Californie, ils ont besoin d'eau ça, en ce moment, ça va pas bien. D'ici un an, ils vont manquer d'eau. Tu sais. Puis pendant ce temps-là... Pourquoi qu'ils construisent pas un oléoduc, mais un aqueduc, tout simplement, on va en vendre de l'eau tant qu'à ça. Oui. Ça ne salit pas trop quand il y a un déversement d'eau. Là. C'est moins grave un peu. Tout à fait. En tout cas. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement canadien continue de croire qu'utiliser 10 barils d'eau pour fabriquer un seul baril de pétrole, c'est une solution miracle. C'est gagnant-gagnant, ça. Fait que finalement, il y a des bonnes raisons de croire que ce comportement est absurde est en réalité un acte suicidaire. Mm-hmm. C'est un dossier vraiment important, puis j'espère que ça va devenir un enjeu électoral pendant la prochaine campagne, d'ici octobre, en fait. Là. Mm-hmm. Tu le disais toi-même, on est en pré-campagne. Là. Total. Mais ça serait le temps que les citoyens se réveillent un petit peu. Il n'y a pas juste l'austérité. Il y a des affaires bien plus menaçantes sur notre tête qui vont peser pendant des générations. Mm-hmm. Mais ça, on dirait que les gens, ben, y en a plein qui ne le comprennent pas. Ils comprennent quand c'est les dirigeants qui les font peur, là, ils comprennent. Mais on dirait que quand c'est des gens normaux, leurs amis, leur famille, on dirait que les gens ne comprennent pas de la même façon. En tout cas. Autrement, dernier dossier avant de terminer. La semaine dernière, j'ai oublié, ça m'a échappé, de souligner le 1 an de l'élection du Parti libéral du Québec. Ben oui, c'est une belle nouvelle. Eh bien, Léopold Lauzon, que tu connais peut-être. Bien, j'adore Léopold Lauzon. Il a un bon franc-parler. il a fait un article intitulé « PLQ, un gouvernement illégitime à démettre », tout simplement parce qu'il dénonçait les belles promesses faites à la population. Finalement, une fois élus, les élus, ils ne vont plus parler aux groupes de citoyens ordinaires parce qu'ils mettent en place des politiques qui vont souvent contre les demandes des gens puis qui sont même contraires à leurs propres promesses électorales. Il dit « Dites-moi, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez vu des ministres, des premiers ministres prononcer une allocution devant des membres de syndicats de travailleurs, d'associations étudiantes ou groupes écologistes communautaires? » Non, ils choisissent des journalistes chroniqueurs qui aiment bien, un petit cercle restreint, des gens d'affaires avec qui ils ont Ils vont à la chambre de commerce, là. Ils vont faire des belles conférences à la chambre de commerce. Et cette façon autoritaire et arrogante de faire, Léopold Lauzon dit que c'est une lâcheté. Carrément. Une lâcheté du PLQ, d'avoir renié autant de promesses, là, puis surtout d'instaurer le privé de plus en plus en santé. Mm-hmm. Il faut démettre ce gouvernement libéral, selon lui. Et il donne l'exemple de la santé publique, qui est une catastrophe, là, et pourtant qui était une priorité du Parti libéral dès 2003. Dès leur entrée au pouvoir en 2003, c'était la priorité, la santé. Est-ce que ça a changé? On a voté des lois au baillon. Ouais. On va en voter d'autres. Là. C'est ça. Il n'y a rien de changé. Saviez-vous que c'est le Québec... Ça s'empire. Ouais. Saviez-vous que c'est le Québec au Canada qui dépense le moins de fonds publics en santé par habitant, même si c'est ici que l'on paie le plus cher pour nos médicaments, entre autres? Autre chose? Autre promesse non tenue des libéraux, celle de réduire de 50% ou plus les subventions de 483 millions par an aux écoles privées. Ben oui. Ça, c'est tout un débat qui est comme dans l'ombre. Mais est-ce que les écoles sont privées ou ils ne sont pas? Parce que là, ils sont subventionnés à 60 à 80% par le gouvernement. Puis là, on se demande, ben, il est où notre argent? Mm-hmm. Hein? Léopold, il dit, allô, État obèse qui est partout, hein? Oui, mais après, on dit qu'on essaie de l'amincir, l'État. On essaie de couper dans le gras, genre. Mais c'est pas ce qu'on fait. On coupe vraiment où on veut. Oui, parce que là, on coupe dans le public, là. Ça n'a pas de sens pantoute, là. Parce que pendant ce temps-là, le Québec, qui est en tête du financement des écoles privées au Canada, puis même si c'est au Québec qu'il y a le plus d'étudiants dans les écoles privées, et c'est ici aussi qu'il y a le plus de cliniques privées au Canada. Le privé, là, ça commence à être dangereux, sinon, on ajoutera l'exemple du tarif d'électricité qui n'arrête pas de monter pour on ne sait pas quelle raison. C'est supposé nous appartenir. Mm-hmm. C'est supposé nous donner des dividendes parce qu'on l'a nationalisé. Mais oui, c'est supposé nous rapporter quelque chose ou au moins nous coûter vraiment pas cher. Mais là, l'actionnaire, qui est le peuple québécois, est obligé de payer. À quoi ça sert d'être propriétaire d'Hydro-Québec pour le citoyen ordinaire? Parce qu'au lieu de recevoir une dividende de sa compagnie, c'est lui qui est obligé d'en verser aux transnationales. Mm-hmm. L'éducation, ben là, je partirai pas en peur là-dessus, là, mais c'est... C'est ridicule. On coupe sans aucun plan, sans aucune étude d'impact, puis on se laisse guider uniquement par des préjugés primaires puis des dogmes qui démontrent une haine viscérale de notre solidarité et de notre façon de faire au Québec. On coupe vraiment n'importe où. Il y a juste, exemple, là, l'histoire de fluoration de l'eau. J'ai posé la question à qui ça apportait l'argent, puis on coupe partout. Ouais. Pourquoi qu'on dépenserait pour mettre du fluor dans l'eau? Ouais. Eh bien, c'est le ministère de la Santé du Québec qui paye pour les coûts de fluoration dans les villes. T'imagines? Puis il y en a plus gros, là. Il y a peut-être même pas une dizaine de villes au Québec qui veulent encore de la fluoration. Mais c'est le ministère qui paye ça. Il coupe partout, il coupe des affaires, des rides, mais pas pour des mettre du poison dans ton eau. Ouais. Ils ont pas de vision. Vraiment aucune vision, sérieusement. C'est comme, aïe aïe. C'est un échec total. Et pour terminer, ben dans le fond, le Parti québécois, de son côté, a lui aussi, évidemment, dressé un bilan très noir de l'an 1 du gouvernement Couillard. Je les cite. « Après un an, nous constatons que le gouvernement a un plan, celui de rapetisser le Québec et de le mettre en miettes et de mettre en miettes les outils de développement que nous nous sommes donnés au cours des 40 dernières années. » on en a assez des coupes. Puis là, tu parlais de la santé. Écoute ce chiffre-là, OK? Le caucus péquiste de la Naudière rappelle les compressions du récent budget en éducation, plus 17 % et en santé, secteur où plus de la moitié de l'augmentation du budget va à la rémunération des médecins. Ah oui. Qui sont déjà surpayés, assez bien là, payés, quand même. Là, ils sont payés plus cher que nos propres ministres et nos propres élus. Exactement. Fait que, maintenant, c'est hallucinant, là. Les priorités aux bonnes places. Fait que finalement, c'est un plan de démantèlement qu'il faut pas pantoute commémorer, mais il faut quand même souligner que on assiste à l'amputation du Québec. Mais il faudrait que des gens comme M. Lauzon, mais faudrait qu'il, puis les intellectuels, faudrait qu'ils donnent des outils comment démettre le gouvernement aux gens. Oui, oui. Il faut travailler là-dessus. Là, pour vrai, c'est là-dessus qu'il faudrait se mettre, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau le dire, mais si on veut passer à l'action, il faudrait qu'on ait une façon de faire et légitime. T'sais. Tout à fait. En tout cas. Fait que pour pas trop déprimer, oui. Je vous ai amené une toune joyeuse des Cowboys fringants. C'est une pièce dédiée à René Lévesque qui s'appelle « Lettre à René » et qui constate un petit peu là, l'état dans lequel on est. Là. Est-ce que tu serais fier, René, de la société dans laquelle on était, qu'on est aujourd'hui, dans cet esprit de colonisé à la Couillard? J'aime mieux pas connaître sa réponse. Il se retourne dans sa tombe. Yes, ben merci beaucoup, Jeff. Dernière chose. Oui, vas-y. Vas-y. Débat du PQ demain à Québec, oui, okay. À 19h jeudi soir le 16. Ça va parler d'indépendance et d'éducation. Et puis vous avez encore du temps pour aller chercher vos cartes. Jusqu'à demain, oui, jusqu'à jeudi pour devenir membre PQ.org et je vous fais un bilan la semaine prochaine. Première fois que je suis membre d'un parti politique. Oh. Ben oui. Puis il y en a d'autres, j'ai vu sur Facebook qui avaient fait la même chose, des gens qui ont voté même Québec solidaire, qui s'étaient pris leur carte parce qu'ils veulent décider. Bloquer PKP, entre autres. Exactement, il y en a qui veulent ça. Fait qu'en tout cas, on s'en va tout de suite écouter les Cowboys fringants, Lettre à René, puis je te remercie encore. On se fait plaisir. La semaine prochaine. Salut, Danny. Bye. Let's go, let's go. Ça y va-tu? Ça serait le fuck it. Attends un peu, on va repartir ça, faire les choses comme il faut. On y va. Cigarette au bec, du haut du firmament. Tu dois regarder le Québec puis te dire que c'est bien décevant. Quand tu vois les pas bons et tous les petits carriéristes qui se présentent aux élections comme des vrais opportunistes. Mais loin de moi, René, l'envie d'en beurre épais ou de trop te glorifier, le monde l'a déjà assez fait. C'est quand même un peu dommage de voir que de ton héritage il reste juste ma petite chanson puis un boulevard à ton nom. Quand je regarde ma contrée perdue et à l'abandon, sans projet de société, émenée par des pauvres pions, champions de la langue de bois et du politically correct, me semble que c'est pas ça que tu voulais pour le Québec. À part de ça, mon petit poil, la vie est-tu moins plate au ciel, parce qu'ici, les temps sont un petit peu sombres. Je dis ça de même, merde-toi pas dans ta tombe. Au cœur de cette grande révolution qui a mis le Québec à l'heure de toutes les modernisations, tu dois être franchement déçu de voir qu'on retourne en arrière. Vous qui vous étiez battus pour qu'on soit maître de nos affaires. Pour ce qui est de la souveraineté, on peut pas dire que c'est la fièvre. Le projet s'est mal renouvelé et on en parle du bout des lèvres. Mais quoi qu'avoir les extrémistes qui se réclament patriotes avec leur disco passé, je me dis qu'on est loin du jackpot.

un certain midi cette semaine. Sur cette ère des années folles, oui, comme à l'habitude, le jeudi vers midi, on va rejoindre les gars du Temps d'une Pinte. Salut, Alex. Salut, ça va, Danny? Ben oui, ça va bien, toi? Ah ouais, super. Avec des journées comme ça, là. Ouais, ouais, enfin, plus en plus beau. Enfin, on a de la lumière et un peu de chaleur. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour vous autres? Ben, nos terrasses qui vont rouvrir en mai bientôt. Celle d'en avant va être aménagée vraiment rapidement, là, sous peu. Là. Au plus vite. J'ose pas dire quelques jours, mais ça se pourrait. OK. Puis sinon... Est-ce qu'il y a une date à Trois-Rivières, mettons, qu'on pour les qu'on terrasses, a le droit des terrasses? Qui sont sur les terrains municipaux, sur le trottoir, oui. Nous autres, notre terrasse arrière... Vous voulez. Oui, on peut l'opérer à l'année. Là. Il fait un peu froid pour aménager la terrasse tout de suite. Mais sinon, les terrasses avant, c'est le 15 avril. Là. Ah, OK. Fait que c'est déjà ouvert à partir d'hier. Oui, c'est ça. Vous avez le droit, en tout cas. Oui, quand ça va de la vie un petit peu. Excellent. Puis sinon, aujourd'hui, on a choisi de vous parler. J'étais avec Seb Bourassa, qui s'occupe de la restauration, et Oli Blais, qui est en cuisine, qui est un de nos chefs. Donc, Oli, qui est la première fois qu'il passe ici. Oui, Oli, c'est la première fois. D'ailleurs, Oli vient de nous faire gagner le concours de pâté chinois gastronomique. Oh, organisé pour une levée de fonds des marches des vieux quartiers. OK. Donc, on avait fait... si tu peux nous parler un peu de la recette de notre pâté chinois. Ouais, ben c'est en fait, ça serait un peu de mentir aux gens de dire que je l'ai remporté seul, là, ce prix-là. C'est vraiment, premièrement, ça revient à l'équipe La Pinte au complet, là, tout le monde a mis la main à ça. On a tout un peu collaboré à la recette. En gros, c'était une demi-grelot cuite dans l'eau bouillante, là, comme nos grands-mamans le faisaient bien. Creusée, farcie avec un boudin aux épices. Après ça, on a stuffé ça avec une belle crème de maïs, laurier, vanille. Cheddar de l'ancêtre, bacon bits, pomme paille, lac à la bière, ciboulette et très joli petit drapeau en souvenir. On est loin du steak bledin de patate, là. Mais on s'en rapprochait aussi au niveau du goût. Non, on s'en approche, mais quand même un petit peu plus complexe. On voulait rendre au pâté chinois... C'est lettre de noblesse. C'est lettre de noblesse. On voulait rendre à César son pâté chinois. Exactement. C'est génial, ça. Excellent. Rendre le pâté chinois au chinois, non. Pas. Mais félicitations. Ça me semble très bon. On est sur l'heure du midi, puis j'ai faim. Là, juste entendre la recette. Ben, on n'a pas apporté de bouffe. Parce ben que non, mais non, mais c'est correct, un petit peu plus complexe, mais on a apporté 4 bières. Oui. Je vais en parler un peu. On a la... notre nouvelle Roggenbier, qui se trouve être une bière de seigle allemande. Donc, c'est une bière rousse. On l'a houblonné avec un houblon néo-zélandais, le Waimea. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça exactement, en néo-zélandais. Ton néo-zélandais n'est pas si juste. Il est un peu rouillé. Il est un peu rouillé. Mais sinon, on l'a appelé la Mason Rye. Okay. Donc, parce que rye, c'est seigle en anglais. Elle a la couleur de la brique. Et puis, le houblon Waimea, c'est un houblon qui va goûter le tangelo, qui est un agrume entre le pamplemousse et la mandarine. Ah. Donc, c'est excellent. Tu auras l'occasion d'y goûter. Fait que j'ai emmené sinon l'enclume, qui est notre porter baltique, qui est de retour. J'ai emmené la Vastring, qui est notre Hopfenweiss. Celle-là, c'est combien? Ben, la première que tu nous as parlé, combien de pourcents, celle-là? 4,4. OK. Et puis, on a emmené aussi la Brandy, qui est de... non, pas la Brandy. C'est quoi celle-là que j'ai emmené? C'est la multigrain de l'Ermite. OK, la microbrasserie de l'Ermite autres, à Victoriaville. Donc, j'ai emmené 4 bières, puis je vous invite à ce qu'on discute de quel genre d'accord on ferait avec ces bières-là. Okay. Comment vous voyez ça, les accords? Premièrement, est-ce que vous y croyez? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas aux accords bière aimée. On a eu une petite discussion sur notre page Facebook avec tout le staff, puis le brasseur et tout le monde. Puis, on avait plein d'opinions. Il y avait quelqu'un qui mettait un... Ça a commencé avec Alain qui a posté un diagramme avec des accords faciles, par exemple, fruits de mer, etc., telle bière, épicée, tel type de bière. Puis là, après ça, il nous disait « Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis là, il y avait notre brasseur, lui, disait « Moi, je crois pas aux accords. » OK. Ça allait jusque-là. Ah ouais, votre brasseur, il croit pas. Lui, il dit « C'est quelque chose d'un peu intellectualisé. » Tu sais, il n'y a pas d'accord parfait pour lui. Ça fit un peu, mais tu pourrais... tu peux défaire tirer par les cheveux. Il y a des accords négociables. Exactement. Accords raisonnables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, les gars, des accords? Moi, en fait, je trouve que... Attends un petit peu. Je t'ai oublié. Vas-y, Seb. Oui, je suis là. Parfait. T'es là, t'es là. Salut, Sébastien. Moi, c'est un contraire à Gustavo, en fait. J'y crois vraiment beaucoup. Je pense qu'une chimie à travers tout ça, ces éléments-là, de la bière, de l'aliment, autant que dans les vins ou les whiskies, on en parlait la semaine passée ensemble. Fait que moi, pour ma part, j'y crois vraiment. Je suis un fan des accords moi-même, j'adore très très ça. Ben moi, Sébastien m'a fait découvrir vraiment... L'autre fois, on l'avait essayé, mais il me semble la semaine passée, j'ai vraiment là, découvert quelque chose avec les pairings, le whisky, ouais. Bière. J'ai vraiment adoré ça. Puis votre idée de faire des palettes comme ça de dégustation whisky pairing, là. Vraiment, ça a bien marché finalement. Ouais, on a un bon vendredi. Je suis sûr parce que sérieusement, moi, ça m'a tout de suite allumé. Fait que tu sais, je connais pas, je suis vraiment un néophyte, là, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je me dis comme un peu Seb, comment on peut pas y croire? Il y en a qui marchent, mais il y en a qui marchent pas. Mais oui, effectivement, c'est intellectualisé, mais je veux dire, sinon on parle de rien. Là. On parlait de la voix. Là. non, mais je veux dire. Non, mais en même temps, Gustavo, il a dit ça, il est bon pour faire l'avocat du diable. S'il était là, il débattrait peut-être de son point. Ah, mais je le plante pas dans le mur en disant ça, loin de là. Mais je me dis qu'il y a automatiquement un accord ou pas. Tu prends un produit, que ce soit une bouffe avec une autre bouffe ou un liquide avec un. Est-ce que ça marche? Je veux dire, tu viens de te brosser les dents puis tu prends de la bière. C'est ça. Ça fait bizarre. Je pense que ce que Gustavo il amenait comme point, c'est que des fois, on voit apparaître des bouteilles où c'est un petit peu comme le système de capsules. Des pastilles. Ouais, c'est trop simplifié. C'est que mettre un poisson à côté d'un... Mettre une chaudrée de fond de mer à côté d'un stout ou une crevette puis dire que c'est un bon accord. Ouais, mais si j'ai aromatisé mon... Ta béchamel avec un peu trop de muscade, là, ben, ça marchera plus. Ça déconnecte. Fait que moi, ce que je pense, c'est l'accord, il est supposé de se faire autour de toute tous les aspects du plat. Okay. C'est-à-dire que s'il y a telle épice, s'il y a tel morceau de viande, s'il y a tel... Oui, c'est ça, c'est trop simple un peu, tu sais, c'est un peu comme à cette heure, c'est des vins d'épicerie, tu marques agneau, poisson, puis ouais, c'est quoi. Ça a versé dans le balai ou qu'à un moment donné, t'es comme, ils te disent qu'est-ce que tu vas goûter, puis t'as plus de place à tes impressions. Ouais. Mais pour suivre des propos, ce que j'aime, puis pour suivre un peu Sébastien aussi, c'est que ça s'applique chez nous d'une façon assez bien, parce qu'on travaille le produit alimentaire d'une façon assez simple. On essaie de rendre vraiment la saveur du produit en tant que tel, le produit premier. T'sais. On travaille pas trop, on complémente avec certaines saveurs. Puis après ça, c'est pas trop compliqué de matcher avec une bière parce qu'on se retrouve avec des accords de... Tu dénatures pas, là. Non, exactement. On se retrouve avec des accords aromatiques vraiment pas trop compliqués. Facile à regrouper, facile à matcher. Oui, parce que tu l'as dit tantôt, des fois, un plat, mettons un plat de viande rouge, ben ça dépend si tu l'épices à autre chose, ben ça marchera plus, l'accord. Ouais, ça reste un steak, mais si tu l'as fait braiser à mélasse, là... Oui, puis t'as mis une soupçon de d'anis étoilé puis de l'oignon dedans, ça va te donner vraiment un autre goût que si tu y vas juste au poivre, tu sais. Donc, ton accord, c'est clair que tu peux pas dire, ah, avec un steak, tu manges ça. Ouais, puis c'est la même affaire dans l'inverse. Tu sais, si, mettons, on prendrait un brownie, puis on dirait, ça va très bien avec une bière noire, mais après ça, on prend une black IPA qui est super amère dans le tapis, puis là, ça marche pas du tout non plus. Fait que même la bière, on peut pas prendre juste un critère, puis essayer de faire un pairing. Sinon, il y a des grandes lignes pour les pairings qui sont souvent évoquées avec la bière. Il y a les accords de continuité qui sont, par exemple, je prends un brownies puis un stout qui goûte un peu café-chocolat. Je prends, après ça, les accords de complémentarité. Ça, tu prends une bière sucrée, par exemple, comme un porter ou une bière anglaise, puis tu mets des guimauves avec ça ou quelque chose d'autre. Quelque chose à vanille. Quelque chose de vanilleux. Fait que là, c'est complémentaire comme saveur. Ou les accords de contraste, là, ça serait carrément de prendre quelque chose de sucré avec quelque chose d'amer. Ou tantôt, Oli parlait de l'accord salé-sucré. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Salé-sucré, ça peut être complémentaire, contraste. C'est un beau contraste qui fonctionne bien. Qui fonctionne la plupart du temps, en tout cas en cuisine, fonctionne très bien d'habitude, sucré-salé. Mais à partir du moment qu'on a un match. D'une quelconque façon que ce soit, on a un accord. Mm-hmm. Ça peut être un match de besoins biologiques carrément. T'sais, on se mange trop salé, puis t'as soif, tu prends de la bière, ben t'as un accord parce que t'aimes ta bière avec ce que tu manges, parce que ce que tu manges est salé, puis que t'as soif. Mm-hmm. Mais ça peut aller plus loin que ça aussi. T'sais. On peut matcher dans le fond. Puis c'est ce qu'on tend à faire aussi avec cette sorte de mode-là, c'est de matcher des un peu comme des dimensions aromatiques carrément. C'est comme du réseautage moléculaire. Du réseautage moléculaire. C'est, on match, on était là de partir un genre de grinder ou Tinder. De saveur. Ouais, votre application. Exactement. Ça va vous prendre votre application. Le Pinter. It's a match. Mais c'est une application pairing. Peu importe, tu mets quelque chose, l'autre bord, il te donne avec quoi. Ouais, c'est génial. Avec quoi. Je peux pas en faire un petit exercice. Vous avez, Seb, il y a la saison multigrain. Oui. Avec quoi tu C'est vrai, mais tu dirais, moi, tout ce qui est saison, je vois des plats avec de l'épice, comme le fameux, par exemple, un tartare de bœuf à la tente d'une pinte, bien épicé avec des corps frites, un petit peu de sriracha sur le côté, balsamique, petite verdure à l'orange. On va vraiment rappeler la levure saison qu'il y a dans la bière, fruits de la passion, épices et tout. Les gars, ils checkent leurs affaires. J'irais vraiment, vraiment là-dedans. Puis c'est un match que j'ai essayé mille une fois. Quand je suis un tartare à la maison, je ouvre une petite bouteille de saison, ça marche tout le temps, c'est très très bon. Ça marche bien. Puis c'est mon style de bière préféré, fait que... c'est toi qui s'est retrouvé avec. C'est ça qui est fun, parce qu'on a une bière qui est comme blonde, légèrement ambrée, puis on parle de tartare de bœuf, on parle de viande rouge, c'est de quoi qu'on ne serait pas habitué, mais dans les saisons, les notes épicées sont surtout dans celle-là. Il y a multigrain, il y a du maïs, il y a du seigle, il y a de l'avoine. Il y a plein de céréales qui vont donner un punch puis du corps à la bière qui permet même à une bière blonde d'être complémentaire avec pas être complètement effaceux. Mais comme tu l'as dit, ça dépend tout le temps des détails de tout. C'est pareil comme Master, tu peux prendre un vin blanc avec une viande rouge, ça marche, ça peut marcher. L'intensité des saveurs vient pas de la couleur du produit. Exactement. Je venais vraiment avec un côté poisson, petit ceviche de pétanque, bien vinaigré, fruité, là, à la lime. Tout ce qui est autour de ça, tout ce qui est fruits exotiques, là, c'est qu'une saison, c'est ça. Ça fonctionnerait bien. Effectivement. Toi, Oli? T'as la Mason Rye, qui est notre bière de seigle avec houblon néo-zélandais. Vite de même, j'irai autant avec un plat principal ou une entrée, puis aussi un dessert. Je me verrais bien accompagner ça d'une crème brûlée. Okay. Avec un bon sucré caramélisé. De quoi? Un peu bonbon, genre fève tonka. Sinon, sur un plat principal, j'irai un peu plus dans la rondeur, mais j'irai aussi chercher la céréale avec notre pancake de sarrasin, le gravlax, la texture vraiment ronde, vraiment souple, mais un peu de richesse au niveau de la bière chamel. Puis on finit le tout avec une laque curcuma, un petit vinaigre à la fin pour venir pincer la langue, puis on se rince la bouche avec une autre gorgée de bière, puis on continue. Moi, j'ai la Vastring, qui est notre Hopfenweiss. Oui. Moi, c'était bien là pour la... J'irais d'un accord qui la déconstruit carrément. C'est de quoi tu sèches une salade, mais une genre de salade qui peut être soit entrée ou repas, avec des agrumes dedans, okay. Avec un petit côté sèche, peut-être des noix aussi. Puis quelque chose de très aromatique dans l'assiette là, aussi... comme les agrumes ou des zestes ou carrément, ou même peut-être des petits fruits sécheux comme canneberge, avec le houblon qui est très fruit exotique, très pamplemousse, puis le bleu qui est très sèche. Je garderais ça dans quelque chose de frais, là, un accord frais puis aromatique. Ouais, là, c'est à mon tour. Là. Ouais, tout à l'enclume. L'enclume, Porter Baltic. Ben, moi, c'est ça, je m'en ai dit. Moi, personnellement, à premier goût, c'était. Ben là, tu vas avoir le goût de matcher ça avec une sieste, sûrement. Non, mais moi, Porter Baltic, personnellement, j'irais avec de quoi tu sucrer. Là. J'irais avec vraiment. Moi, c'est chocolat noir. Là. J'aime bien ça. Je le fais souvent. Bière noire, chocolat noir. Donc, quelque chose plutôt en continuité. Puis sinon, au côté repas, ben, j'irais plus avec de quoi vraiment. Je sais pas. Un ragoût irlandais, d'agneau, un bon stew d'agneau, quelque chose du genre. Je pense que je serais heureux avec ça. J'ai pas vu passer le pot d'enclume, en fait. J'aurais bien switché pour celle-là. Mais tu qu'on l'essaye, toi? Non, mais moi, enclume, en fait, j'aurais été chercher le côté réglisse avec une salade croquante, anisée, bulbe de fenouil. Puis, ouais, mais t'es chef, là. De quoi? Tu sais, moi, je suis un animateur. Je suis quand même un chef, mais pas professionnel. Tiens, viens, on va l'essayer. Ouais, moi, je veux l'essayer même, la tienne. J'avais envie d'une sieste. Toi, t'aimes les bières habituellement, plus avec des esters fruiteux, les bières anglaises. Là, c'est une bière à 4.4, mais je pense qu'on va tomber dans ta palette. Parfait. Pareil. Ça, c'est la Mason Rye. C'est ouais, ça, c'est quelque ça. Chose. Genre. Je l'essaye tout de suite. C'est parce que hier, pendant que je cherchais le nom, il y avait un maçon qui était en train de refaire la brique chez nous. Pour vrai, là, je cherchais le nom, puis je cherchais le nom d'un outil ou de quoi de rouge dans le monde ouvrier. Puis le gars, il était en train de refaire ma brique. Puis là, je suis bien tapon. Aussi. Je l'ai de mes yeux. Dans son dos, il était écrit maçonnerie. Ben là... Tu l'avais. Attends, Kayak, je vais y faire une plug. Maçonnerie PL dans l'anneau d'hier, c'est il va te faire un deal. C'est un signe du destin. Exactement. Vraiment, on est ailleurs, là, complètement. Là. J'ai goûté ça, puis wow, c'est bon, j'adore ça. Une bonne rousse de soif, une bonne rousse de terrasse. Là. Ça, ouais, puis goûteuse, comme tu dis. Très, très goûteuse, même si elle a un faible taux d'alcool. Là, moi, 4.4, c'est intéressant, une rondeur comme ça en bouche. Ouais, exact, c'est très rare, parce que moi, justement, ce que j'aime, c'est la rondeur en bière. On l'a quand même. Puis ça, c'est rare qu'à 4% tu l'as. Celle-là, vraiment très, très bonne. Puis assez complexe, j'ai de la misère à la décrire. Il y a une petite note d'eau d'érable aussi que j'ai découvert hier après avoir fini une pinte complète. Là. Il y a une petite note d'eau d'érable qui arrive vers la fin, c'est intéressant. Là. Sans être trop soucieux. Finalement, l'avez-vous fait votre bière avec de l'eau d'érable, justement? Non, on n'a pas fait de bière encore avec l'eau d'érable. C'est pas, c'est pas quelque chose que Gustavo il adore nécessairement, brasser une bière à l'érable. On va finir par éventuellement en faire une. Mais sinon, il y en a des bonnes dans la région. Fait que, non, non, mais c'était pour l'information. C'était pour information quand même. L'autre fois, tu avais dit que vous aviez peut-être eu de l'eau d'érable. On y pensait si on mettait de l'érable dans une de nos bières, mais on a laissé faire. Bon, Gustavo, il veut pas. c'est pas le genre de gars qu'on estime même. Mais ça marche tout le temps. Puis sinon, qu'est-ce qui arrive au temps d'une pinte? Ben, on a pas mal d'activités. Les lundis ludiques qui prennent pas mal d'ampleur. Le temps d'un jeu, c'est nous, notre formule. Pour 3$, il y a un bar à jeux avec plein grande sélection de jeux le lundi soir à partir de 20h. Sinon, il y a toujours les mercredis swing aussi qui fonctionnent bien. On a il y a de l'inscription pour les mercredis swing. Eux, ils font des cours aussi à l'extérieur. Ouais, j'ai vu ça passer. Puis ça va être à tous les mardis à partir du 21 avril pour les inscriptions. Ça termine le 21 avril. Donc, les cours vont être le mardi, mais le mercredi swing, ça va être la soirée ou c'est ça? C'est ça. Okay. Les cours vont pas se faire autant d'une pointe. Là. Okay. C'est juste je les pluguais parce qu'ils sont là depuis un an, les profs Jonathan et Jacinthe. Puis eux, ils ont parti. Ça s'appelle Très Swing. Leur organisation. Ils ont un site internet et puis sinon, c'est ça. Ils vont donner des cours bientôt. Et puis, on continue nos 5 à 7. Oui. Nouvellement, on a des casques du temps d'une pinte. Oh. Donc, ce soir, relâche pour le casque pour une dernière fois dans l'éternité. Puis après ça, on y va avec. On a un casque de Brancy qui est notre Pilsner Check qui est de retour. Va être genre pour la semaine prochaine, là, ceux-là, tu parles. C'est ça. Ben, je sais pas encore quel qu'on va percer la semaine prochaine. On a une Hefeweizen dont on n'a pas de nom encore, si vous voulez suggérer. Vous êtes ouvert aux suggestions. Des noms de job de bras. Ouais, genre. Dans la face à Alex. On a la Rogan Beer qui est là, qui va être en casque aussi. Puis on a. On a ces trois casques-là pour commencer. Puis sinon, ce soir, nouvelle bière, Rogan Beer, retour de l'enclume, la Brandy. Puis. Le temps d'une palette demain, est-ce que tu as demain, j'ai pensé à ça pendant que tu parlais. Ça va être le petit Lot 40, petit whisky canadien qui se dit 100% en règle. L'appellation est 51%, mais cette série-là, l'Ontario, a été funky un peu. C'est 100% en règle. Fait on a la Rogan Beer avec aussi du siècle. Fait que ça va être Brandy, Rogan Beer et Ratchet et ce petit Lot 40-là demain. Donc pour les palettes. Pour les palettes, effectivement. Est-ce que ça, c'est juste les vendredis? C'est vendredi. Ah, c'est ça. Donc allez-y le vendredi. Là, moi, je me demandais, Danny, il reste une semaine encore? Il nous resterait une semaine. Une semaine, excellent. Ça vous va-tu? Ouais, moi, j'ai l'impression que la semaine prochaine, je vais pouvoir te dévoiler aussi notre programmation Festive Web, probablement. Génial, excellent. Parce qu'on a 4 bons bands qui vont être là. Pendant le Festive Web, autant d'une pinte. C'est des formules de fin de soirée dans les bars à partir de minuit. Puis c'est hot. Là. Vous avez du bon monde. Génial. On a hâte de savoir ça. Et puis sinon, c'est bon comme ça? Ouais, c'est parfait. Il y a Papillon? Gabriel Papillon à la fin du mois, le dimanche 26 avril, en formule après-midi. Donc, une petite session folk d'un dimanche après-midi à 14h. Les billets sont en vente autant d'une pinte au coût de 10$. Puis, si on peut, on va se laisser sur un extrait de Got You Well, un extrait de son dernier album. Ça me fait plaisir, les gars, de vous avoir vu encore. Oui, donc, à la semaine prochaine. On se revoit, salut. Yes, on y va avec Gabriel Papillon. Come in, love, I have got you well. You have tangled with an army so bad. They have come for good. Come in, my love, I've got you well. Haunted by the moon, wounded by the past, I will try. But you're all too fast.

Alors, bon, ça y est. Ils ont arrêté de prendre des bains. Hein, bonne idée. Donc, pour masquer les odeurs, ils se parfumaient, ceux qui avaient de l'argent, se parfumaient énormément, sinon les autres, ben, vivaient juste avec. Puis, en 1888, le premier déodorant appelé Mum, M-U-M, a été inventé par un Philadelphie, là, quelqu'un en Philadelphie qu'on sait pas trop c'est qui. Là. Puis ça, c'était vraiment une pâte qu'on appliquait sous l'étui de bras, puis ça tenait pas vraiment. Donc, c'était assez chiant à appliquer. Puis là, il y a Everdry qui est arrivé avec le premier anti-perspirant, déodorant, pardon. Donc, en aluminium qui passait à travers les vêtements, qui tachait la peau, c'était vraiment dégueu. En 1950, suivant le stylo à billes, le premier roll-on, BAN, qui a inventé le premier. Ça existe encore. Le BAN, oui, existe encore. Ça, c'est la compagnie Billy qui fait ça. Ah oui? Ah oui, c'est tout à celui que j'ai vu. Puis Right Guard ensuite en aérosol. Saviez-vous qu'au Japon, les fortes odeurs axillaires, là, les odeurs des aisselles, sont une vraie cause d'incapacité à servir dans l'armée? Ah! Et ils ne peuvent pas être dans l'armée s'ils ont des odeurs corporelles. Ça, puis les pieds plats, hein, même combat. Ça tient pas. Mais comme ils mangent beaucoup de sushis et de poissons, ça coupe les odeurs. Corporel. Ah, parlant de sushi, savais-tu que tu peux te mettre du riz en dessous des bras puis ça absorbe, on appelle ça du risotto risant. Ça, je voulais faire comme jeu de mots, mais finalement, ça, je l'ai mal sorti pas mal. Tu vois, quand tu penses trop. Ouais. Ça fait moins sushi, par exemple, ça fait plus risotto. Ça fait sous bras. Ouais, risotto. Sushi. Bon, d'accord. Hein? Ben voilà, c'est ça. T'étais pas mal meilleur que moi, matin. Ben, oh, quand même, c'est parce qu'on a existé à partir de 7h40, là. Donc, Véronique Mire, on te retrouve dans deux semaines pour une dernière fois, si tu peux. De la session. Si t'as le droit, si t'es apte à, on est là dans deux semaines. Donc. Ben oui, moi je vais être là, c'est certain. Donc, cool. C'est mercredi à 7h30, malade, génial. C'est le fun d'entendre. Oui. Donc, merci. Ça fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Le champion d'échecs trichait dans des toilettes. Eh bien oui, lors d'un tournoi international organisé à Dubaï, un champion d'échecs a été pris en flagrant délit de triche dans les toilettes. Les joueurs d'échecs ne sont pas forcément plus honnêtes que les autres compétiteurs. Gaïoz Nigalidze, double champion de Géorgie et grand maître d'échecs, a été expulsé de l'Open Chess Tournament qui se déroule jusqu'à jeudi à Dubaï pour avoir triché. C'est son adversaire, l'Arménien Tigran Petrosyan, qui a alerté les juges en assistant à ses allers-retours de plus en plus nombreux aux toilettes. Après une fouille minutieuse, les organisateurs ont finalement trouvé un smartphone dissimulé dans une paroi. Nigalidze, qui continue de nier les faits, s'en serait visiblement servi pour contrer les coups de son adversaire grâce à une application qui est dédiée donc pour trouver peut-être, pour pouvoir peut-être prévoir les coups d'avance. Il risque 3 ans de suspension dans la Fédération d'échecs. Eh bien oui, un échec pour lui, hein? Il profite d'une colossale erreur de la banque en sa faveur. Il a vécu la vie de millionnaire en n'ayant pas un sou en poche. Luke Brett Moore, un Australien de 27 ans, doit être jugé pour avoir, jeudi, donc aujourd'hui, pour avoir profité d'une erreur de sa banque qui l'avait autorisé à être découvert de 1,57 million d'euros. Alors que d'autres se seraient contentés de signaler ce qui vraisemblablement était une erreur, le jeune homme y voyait une opportunité de s'acheter ce dont il avait toujours rêvé. Après avoir ouvert un compte Complete Freedom, eh bien, il a effectué 48 retraits en 2 ans jusqu'à atteindre le plafond de son découvert. Il s'est ainsi offert une collection de voitures de luxe, un maillot dédicacé de Michael Jordan, un album signé par Michael Jackson, un yacht et encore une série de tableaux d'artistes australiens. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. En 2012, la police a mis la main sur le butin et Luke, lors d'une perquisition, après une enquête pour fraude, le jeune homme devrait désormais avoir le temps de méditer sur son inconscience et de son extravagance derrière les barreaux. Une histoire qui finit assez mal, hein? Il y a eu la vie de millionnaire quand même quelque temps. deux Rubik's Cube avec les pieds et d'une seule main pour un jeune garçon. C'est lors d'une émission télévisée en Chine qu'un garçon de 9 ans réalise des choses stupéfiantes avec des Rubik's Cube. Internet lui assure désormais une notoriété internationale. Donc, réussir à compléter les 6 faces colorées d'un Rubik's Cube n'est déjà à la base pas chose aisée, mais parvenir à solutionner ce casse-tête avec les pieds relève de l'exploit. Pourtant, un petit garçon chinois l'a démontré lors d'une émission de télévision. Et lui, il fait ça de façon pas de problème. Hein? Pour pimenter le défi, alors qu'il s'affaire avec ses pieds, il résout un autre Rubik's Cube simultanément d'une seule main. Hein? Donc, je pense qu'on est aussi bien de ne pas se coller à lui dans une compétition de Rubik's Cube. Ça, c'est sûr. En vidéo, 3 ovnis en formation filmés du hublot d'un avion. Une vidéo qui remonterait au mois de juin 2013 refait surface sur le web. Alors, passée inaperçue, on peut pourtant y observer un très étonnant phénomène ufologique. La vidéo aurait été postée sur YouTube au mois de juin 2013 et elle a été réalisée par un amateur depuis la cabine d'un avion qui amorçait sa descente vers Atlanta aux États-Unis. En contrebas de l'appareil, mais au-dessus d'une légère couche nuageuse, 3 points lumineux semblent voler de concert et leur trajectoire est régulière, mais non linéaire. Ils amorcent de larges courbes dans une chorégraphie fascinante. L'hypothèse, eh bien, après avoir littéralement escorté l'avion pendant quelques dizaines de secondes, les 3 orbes accélèrent soudainement de manière vertigineuse et passent sous l'appareil et disparaissent du champ de l'appareil et de la prise de vue. Plusieurs hypothèses ont été faites. Certains ont vu des phénomènes de lumière qui peut émaner des réacteurs de l'avion de chasse en phase de post-combustion, mais ce scénario ne peut être retenu. Reste donc l'alternative classique canular ou OVNI. Allez voir l'image, c'est assez spectaculaire, hein, quand même. Vraiment une petite vidéo intéressante à voir. Plus intéressante que quand on trouve, un stylo sur la planète Mars. Hein. À 86 ans, une grand-mère enflamme Instagram avec ses photos provocantes. Wow! Quand une grand-mère de 86 ans découvre Instagram, celle-ci prouve que la jeunesse est une histoire de cœur. Batty Winkle, qui se décrit comme étant la femme qui vole vos prétendants depuis 1928, est probablement la grand-mère la plus rebelle que vous ayez jamais rencontrée. Armée de son téléphone intelligent et de quelques joints, la femme de 86 ans publie des photos d'elle toujours plus provocantes les unes que les autres. Celle-ci n'hésite pas à prendre des poses sexy devant la caméra et à consommer du cannabis très librement. Je suis sûr qu'on s'entendrait bien. Betty Winkle est suivie par plus de 771 000 personnes sur le réseau social. C'est assez improbable. Allez voir ça, c'est très, très drôle. La série de photos, vraiment cool, la grand-mère. Le meilleur patron du monde réduit son salaire de 1 million de dollars à 70 000 dollars par année pour augmenter celui de ses employés. Dan Price est devenu un héros lundi aux yeux de ses 120 employés de Gravity Payment à Seattle. En réduisant son salaire de manière considérable pour augmenter le salaire minimum des employés à 70 000. OK, Price aurait eu donc cette idée après avoir lu un article sur le bonheur. Selon sa lecture, tout montant d'argent supplémentaire fait une énorme différence dans la vie des gens qui font moins de 70 000 $. OK, c'est ça la chose. Par le fait même, les employés qui recevaient le taux minimum de l'heure au sein de Gravity Payment vont avoir toute une surprise dans leur compte bancaire lorsque l'ajustement aura été effectué. Price planifie d'effectuer les changements sur 3 ans. Son initiative est un coût publicitaire. L'idée sera coûteuse. Le CEO qui a démarré son entreprise de traitement de paiement par carte de crédit en 2004 à 19 ans, réduira son salaire de près d'un million de dollars à 70 000. Il utilisera entre 75 et 80 % des 2,2 millions de dollars de profits estimés cette année pour augmenter le salaire de ses employés. Le chèque de paye de 70 employés sera gonflé et 30 d'entre eux verront leur salaire doublé. Pour le moment, le revenu moyen des travailleurs de cette entreprise est de 48 000 $. Pour Price, eh bien, l'écart entre le salaire d'un CEO de et celui d'un employé régulier ridicule. Le jeune homme qui conduit une Audi depuis 12 ans et qui n'a pas de dépenses extravagantes espère créer avec son initiative une culture d'entreprise basée sur le respect mutuel. Ben, félicitations, hein. En plus, une gueule d'acteur. Là. Il ressemble quasiment à Brad Pitt, ce jeune homme. En plus, millionnaire et généreux. Je pense que les femmes doivent être en ligne après, hein. Pour... il souhaite donner donc une chance à ses travailleurs pour atteindre le rêve américain de s'acheter une jolie maison et de pouvoir payer les frais de scolarité de leurs enfants. Hein? C'est-tu pas une bonne nouvelle dans ce monde qui est loin d'être très, très généreux, hein? Et tiens, une nouvelle invention. C'est une petite vidéo bien, bien rapide. Là. C'est monté sur des chenilles, le Ripsa EV2, une machine tout-terrain qui est inarrêtable. Donc, ce véhicule sur chenille qui ressemble à un véritable char de guerre s'appelle le Ripsa EV2, conçu tout spécialement pour rouler sur la glace et la neige. Celui-ci ne craint pas les sorties de route et sait à peu près tout faire sur un terrain glissant. Drift, saut dans la poudreuse, dérapage contrôlé, rien ne semble capable de pouvoir stopper ce puissant 4x4 pardon, de la banquise. Allez voir la vidéo promotionnelle. C'est malade mental. C'est toute une machine. Tiens donc, ici, c'est l'iPad du pape qui est vendu pour 30 500 $. Eh bien oui, un iPad ayant appartenu au pape François avec un certificat officiel du Vatican a été vendu aux enchères mardi en Uruguay pour 30 500 $. C'est ce qu'a indiqué à l'association France Presse. La maison d'enchères ayant procédé à cette vente argentée et blanc, l'appareil portant au dos l'inscription gravée « Sa sainteté François » a été acheté par un homme d'affaires argentin qui a fait son offre par téléphone. C'est ce a précisé une porte-parole de la maison d'enchères Castel, située à Montevideo. Son identité n'a pas été révélée. L'enchère a été bouclée en à peine 10 minutes. Le pape argentin avait utilisé cet iPad pendant un an et demi, selon les médias locaux, avant de l'offrir à un prêtre uruguayen qui en avait fait don à une école locale. Cette dernière avait décidé de le vendre aux enchères pour financer son projet éducatif qui visait à l'origine un prix de 40 000 $. Le prix de départ a finalement été ramené à 20 000 $ au début de la séance d'enchères mardi. L'iPad a été vendu avec un certificat officiel du Vatican qui mentionne son origine et le fait que le pape en a fait don. Je vous dis, un iPad de même, là, c'est rare comme de la, comme un iPad de pape. C'est bien plus rare que de la de pape, ça. Là, là. Un iPad de pape, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un. Sinon, ici, ben tiens, pourquoi pas finir cette demi-heure avant avec des trucs de lavage. Peut-être que c'est pas vous qui faisiez le lavage chez vous. Peut-être si vous êtes un quelqu'un d'un peu plus moderne, hein? Si vous habitez à plusieurs, si vous allez à la buanderie, peu importe, je vous donne une foule de petits trucs pour l'entretien de vos vêtements. Hein, une vraie madame chasse-tache, je vais faire de moi-même. Tiens, on va aller avec les petits trucs. Moi, c'est les trucs qui m'intéressent. Là, il y avait un gros, gros article là-dessus, mais là, il ne faut pas capoter. Pour faire disparaître une tache d'encre, OK? Eh bien, frottez la tache avec une noix de dentifrice et votre brosse à dents. Rincez et lavez. Tache d'encre. Pour faire disparaître une tache de sang, eh bien, jamais d'eau chaude, ce qui fera sécher et le fixera ce sang à tout jamais. On le fait tremper rapidement dans de l'eau froide et on frotte la tache avec un bord de savon du pays. Prends un bord de savon du pays. Hein, tout le monde a ça chez eux. Pour se débarrasser d'une tache d'huile, eh bien, n'appliquez pas de l'eau car l'huile cherchera à fuir l'eau et entrera ainsi encore plus en profondeur dans le tissu. Saupoudrez de semoule de maïs la tache et laissez la semoule s'imbiber du gras. Vous pouvez également acheter des feuilles absorbantes pour le visage et repasser... Attends un peu. Achetez des feuilles absorbantes pour le visage et repasser la tache en plaçant la feuille entre le premier et le vêtement. L'huile sera ainsi absorbée par la feuille. OK, un peu plus compliqué, tache d'huile, hein? Mais quand même, jamais d'eau. Il faut saupoudrer de la semoule de maïs sur la tache et la laisser s'imbiber du gras. Pour faire disparaître une tache de vin, eh bien, l'eau gazéifiée fait des miracles. Laissez tremper quelques heures avant de laver à l'eau froide dans l'eau gazéifiée. Pour faire disparaître une tache de chocolat, eh bien, faire tremper dans du vinaigre de vin du vinaigre blanc, tout simplement faire tremper dans du vinaigre blanc. Pour que vos vêtements soient plus blancs que blancs, eh bien, faites tremper le vêtement dans du lait chaud quelques heures et lavez-le. Hein, c'est-tu pas merveilleux? Pour éliminer la mauvaise odeur des serviettes, ben moi, chez nous, les serviettes, ils n'ont pas de mauvaise odeur, là, je comprends pas trop. Peut-être les gens les laissent traîner tout en moton dans le coin de la salle de bain. Mais faut pas faire ça. Faut les laver. Faut les tenir propres. Hein? Donc, tout est une question de séchage. Les serviettes doivent être rapidement séchées après le lavage et idéalement sans dépasser 2 à 3 serviettes à la fois. OK. Pour faire disparaître un col jauni d'une chemise, eh bien, mélangez un peu de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude afin de créer une pâte. Enduisez cette couche épaisse sur le cerne du col et lavez la chemise quelques heures plus tard. Et pour fixer la couleur sur un vêtement neuf, hein, souvent on achète un vêtement, puis là, oups, on se ramasse que toute la brassée de linge est noire, brune, rouge, peu importe. Hein. Alors, mélangez un peu de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Non, ça, c'est le truc d'avant. Donc, pour fixer une couleur sur un vêtement, lavez à part et ajoutez une tasse de vinaigre et une tasse de gros sel à l'eau de lavage. Ne mettez pas de savon à lessive. Ça va fixer la couleur. Donc, si on fait une teinture aussi, on pourrait fixer la couleur comme ça. Une tasse de vinaigre et une tasse de gros sel à l'eau de lavage qu'on lave à part, qu'on lave tout seul, pas de savon à lessive. Alors, c'était les petits trucs pour l'entretien de vos vêtements. On s'en va dans un segment du pourquoi, du comment. Donc, on va se coucher plus intelligent ce soir. Vous avez remarqué, j'ai pas dit on va se coucher moins niaiseux. Ben non, c'est comme voir le verre à moitié plein. Hein, c'est plus positif. On va se coucher plus intelligent aujourd'hui. OK? Donc, on commence. Pourquoi les Néerlandais sont-ils si grands? Hein? Eh bien, oui, avec 84 mètres, donc 1,84 m en moyenne pour les hommes et 1,71 m pour les femmes, contre respectivement 1,74 m pour les Français et 1,62 m pour les Françaises. Donc, on pourrait dire un 10 cm là, en moyenne de plus grand que les Français. Eh bien, un état fait que des chercheurs ont tenté d'expliquer dans une étude publiée mercredi par la revue scientifique britannique Royal Society. Selon eux, la première cause liée à des facteurs environnementaux comme une bonne alimentation, notamment une forte consommation de produits laitiers ou encore l'accès à la santé. Après, il y a des gens qui vont dire que le lait, c'est pas bon. Mais en tout cas, ça fait des gens plus grands. Moi, je dis que c'est parce qu'ils ont le droit de fumer du cannabis, moi, je pense. Hein? Oui, c'est légal là-bas. Second facteur, eh bien, la sélection naturelle. Les auteurs de l'étude ont constaté qu'entre 1935 et 1967, les hommes les plus fertiles étaient 7 cm plus grands que la moyenne. Les individus de grande taille sont susceptibles d'engendrer des enfants qui seront à leur tour aussi plutôt de grande taille, résume cette étude. Donc, un mélange entre l'alimentation et la sélection naturelle qui fait que nos Néerlandais sont si grands, donc 10 cm environ plus grands que la moyenne. Ben, la moyenne des Français, hein, mais on pourrait dire qu'on doit être à peu près semblable à la moyenne des Français côté grandeur pour nous. Mais bon, encore là, je ne le sais pas. Pourquoi dit-on prendre son pied lorsqu'on s'amuse ou lorsqu'on prend son pied, hein, littéralement? Lorsque quelqu'un prend son pied, c'est qu'il ressent beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait. Cette expression tire son origine à l'époque de la piraterie au 18e siècle. Ah bon? Elle vient plus précisément des corsaires. Lorsque ces marins au service du roi attaquaient un navire ennemi, ils se partageaient le butin en petits tas d'or de façon équitable en utilisant la longueur d'un pied, qui est environ 33 cm. Grâce à ce procédé, ils parvenaient à déterminer une part revenant au monarque, une autre pour l'armateur et le dernier tiers pour l'équipage. Les marins prenaient alors littéralement leurs pieds en s'emparant de leurs précieuses récompenses. Un trésor qui avait ensuite l'habitude de dépenser dans différentes activités de plaisir, notamment dans les jeux avec des prostituées. Et une fois rentré au port, ça pourrait expliquer la dimension sexuelle que l'on peut prêter aussi à cette expression « prendre son pied ». Donc, c'est une expression qui tire son origine de la piraterie des pirates du 18e siècle. Donc, en fin de semaine, je vous souhaite de prendre votre pied, même aujourd'hui, même en ce moment, en écoutant le Dîner de cons. Pourquoi pas? Et pourquoi dit-on pour des prunes quand on veut dire pour rien du tout, hein? Tu sais, des fois, on dit ça, ça m'a coûté des prunes, j'ai eu ça pour des prunes. Eh bien, il faut remonter au temps des croisades pour expliquer pourquoi l'expression pour des prunes signifie pour rien. Elle est en effet née au milieu du 12e siècle après l'échec de la deuxième croisade. Les croisés français étaient entrés d'Orient sans avoir remporté une seule bataille, mais avaient jugé bon de rapporter de leur voyage des pieds de prunier. Le fruit était alors inconnu dans le royaume. Or, cette compensation n'aurait pas du tout plu au roi et qui se serait donc moqué des chevaliers en leur disant qu'ils avaient mené près de 2 années de guerre et perdu des milliers d'hommes pour des prunes, donc pour à peu près rien. Une phrase qui a ensuite été répétée dans l'entourage du roi avant de se répandre dans le langage courant pour continuer d'exister aujourd'hui. Donc, pour des prunes, ça veut dire pour pas grand-chose ou presque rien, hein? Sinon ici, pourquoi appelle-t-on les limousines certaines... pourquoi appelle-t-on limousine certaines voitures de luxe, tout simplement? Longue et luxueuse, la limousine est la voiture type des stars et des vedettes, des grands patrons et des chefs d'État. Pourtant, son nom n'a aucune origine bourgeoise. Au départ, la limousine désignait en effet un véhicule de livraison né dans le Limousin. Cette dénomination est apparue au 19e siècle, à l'époque où les voitures étaient encore tirées par des chevaux. La limousine était alors un long véhicule utilisé par les artisans comme les boulangers et les laitiers pour le transport de leurs produits. Elle avait un toit et était dotée de 2 banquettes pour les passagers. À l'arrivée des premières voitures à moteur, le nom a ensuite été donné au véhicule de type à carrosserie très longue, comportant au moins 3 vitres de chaque côté, des véhicules coûteux que pouvaient surtout s'offrir des personnes aux revenus assez élevés. Le terme a alors, par extension, permis de désigner les grandes voitures de luxe avec chauffeur dont la longueur est parfois démesurée. Donc, ça prenait au début 3 fenêtres au moins de chaque côté, 3 vitres de chaque côté pour appeler un véhicule une limousine. Et finalement, dans nos « Pourquoi du comment », on va aller en musique ensuite, je vous dis « Pourquoi parle-t-on de hasard pour ce qui est imprévisible ?» Eh bien, les amateurs de jeux s'en remettent souvent à lui. Si la notion de hasard a toujours existé, le mot n'est quant à lui apparu qu'au Moyen Âge. Il s'agit d'un dérivé de l'arabe al-zar. Ça, je suis pas très, très surpris, hein, parce que c'est vrai que c'est un mot, premièrement avec les AR, les Z, et puis tout ça, ça fait très, très oriental. Donc, un dérivé de l'arabe, le al-zar, qui désigne à l'origine le dé, hein, ou plus globalement les jeux qui s'y rapportent, hein, les jeux de dés. Ce terme avait lui-même été formé à partir du mot « zara », désignant une fleur, symbole alors utilisé sur la face gagnante des dés qui était à l'époque. Ça, c'est assez hallucinant, hein? Le jeu Al-Zar a ensuite vu son nom déformé phonétiquement par les Français ainsi que les Espagnols par « hasard » ou « hasard » A-Z-A-R ou « hasard » A-H-A-S-A-R-D. Entre le 11e et le 13e siècle, au cours des croisades. Les croisés l'auraient donc appris lors du siège d'un château situé actuellement en Syrie, comme l'a rapporté l'archevêque et historien des croisades Guillaume de Tyr, qui a vécu entre 1130 et 1184. Le terme est resté exclusivement cantonné dans le jeu jusqu'au 16e siècle, avant d'être étendu à l'ensemble des choses imprévisibles. Donc, le mot « hasard » vient du terme « Al-Zar, qui désigne à l'origine le dé, ou plus globalement les jeux de dés. Les jeux de hasard. Vraiment très intéressant. Et puis, on va se coucher beaucoup plus intelligent aujourd'hui. Et bien maintenant, ça va affoler le web. Là. C'est un chat qui monte ou descend les escaliers, selon vous. Regardez bien attentivement l'image et tentez de répondre rapidement à la question suivante. Ce chat monte-t-il ou descend-il les escaliers? Cette illusion d'optique qui joue sur la perspective passionne les internautes ces derniers jours. Relayée par certains confrères du Huffington Post espagnol, elle n'est pas sans rappeler, bien sûr, le débat mondial sur la couleur de la robe bleue et noire ou blanche et dorée. Cette fois-ci, aucune discussion possible sur la couleur du félin. Tout le monde le voit clairement noir et blanc, mais sa position dans des escaliers perturbe déjà les internautes aux quatre coins du monde. Voici un exemple du même débat en anglais. Il y a plein de monde qui disent qu'est-ce qu'ils en pensent. Les mêmes questionnements existent dans toutes les langues, en espagnol, en arabe, en anglais, en français. Certains tentent même d'argumenter leur réponse à l'aide de croquis et même de vidéos. Il semblerait donc que le choix soit en train de descendre les escaliers si on prête attention aux plaintes qui encadre les marches. Tout à fait, c'est ce que je me disais aussi. Mais quand même, je vous le dis, vous n'avez pas fini de la voir se promener, cette petite nouvelle. Il y a un petit garçon qui découvre le fossile d'un dinosaure de 100 millions d'années dans le Texas. Ce petit garçon âgé de 4 ans fait une découverte aussi incroyable que surprenante alors que celui-ci était parti avec son père à la chasse aux fossiles. En septembre dernier, il a trouvé des ossements de dinosaures d'il y a 100 millions d'années. Des scientifiques sont parvenus à les extraire de la Terre seulement la semaine dernière, rapporte le Huffington Post US. Et comme on peut le voir dans la vidéo, eh bien, il a fallu plus de 7 mois aux scientifiques pour obtenir les autorisations nécessaires afin d'en déterrer les os. En septembre dernier, Tim Burr, gardien du zoo de Dallas, a décidé d'amener son fils Willie sur le site d'un futur centre commercial à Mansfield, dans le Texas, pour faire la chasse aux fossiles de poissons. Nous allons souvent ramasser des fossiles, une activité que nous pouvons faire ensemble en extérieur, a confié le papa. Durant leur quête, le père et le fils auraient découvert des os de poissons, mais jamais ils auraient pensé trouver ceux d'un dinosaure. Willie marchait devant moi et a trouvé un morceau d'os, explique Timbers au Dallas Morning News. C'était assez gros et je savais qu'il avait découvert quelque chose d'intéressant. Après cette trouvaille, ce dernier continue de creuser afin de savoir s'il pourrait en déterrer plus avec son fils, sachant qu'il était tout à fait possible qu'il découvre quelques vestiges de la vie marine dans la région, qui était alors sous l'eau lors de l'ère du Jurassique. Et ils ont raison. Selon les scientifiques de l'Université méthodiste du Sud de Dallas, eh bien, le petit garçon trébuche sur des os de dinosaures datés de 100 millions d'années. C'est extrêmement rare de trouver des dinosaures dans cette zone, affirme Michael Paulson, paléontologue à la SMU et au Dallas Morning News. Les chercheurs pensent que ce fossile appartient à la famille des Nodosaurus, qui serait aussi grande que les chevaux. Des créatures herbivores auraient également vécu au Texas entre l'ère du Jurassique et celle du Crétacé. Pour protéger le fossile, les chercheurs l'ont placé dans une toile de jute et de plâtre afin de créer une coque de protection. Il a ensuite été transporté à l'Université méthodiste du Sud en vue d'un nettoyage plus approfondi durant lequel une équipe de paléontologues va tenter d'assembler les os pour commencer à les étudier. Une belle, belle, belle découverte. Génial. Et puis, tiens, on va terminer avec cette nouvelle avant d'aller en pause publicitaire. Eh bien, c'est les matins de semaine qui sont souvent stressants, mais pas pour cette dame, Mathilda Kale. Elle porte toujours la même tenue de travail depuis 3 ans. Donc, entre l'alarme qui nous tire du lit, la réalisation de qui nous manque du lait ou la gestion de la famille, on sort de la maison sans même avoir eu une seconde pour se réveiller complètement. C'est pourquoi cette femme a décidé de prendre les choses en main pour vivre des matins moins stressants. Elle a choisi de porter la même tenue tous les jours. Mathilda Carl, qui travaille comme directrice artistique dans une firme de publicité de New York, indique que l'idée lui est venue après avoir vécu un lundi matin particulièrement stressant. Dans un papier rédigé pour le Harper Bazaar, eh bien, Carl explique qu'elle avait une rencontre importante ce matin-là et plutôt que de se concentrer sur sa rencontre, elle a passé son matin à chercher quoi mettre. Après avoir essayé une série de tenues, eh bien, elle a décidé de porter quelque chose qu'elle a fini par regretter pratiquement instantanément en sortant de chez elle. En arrivant au travail, elle se sentait complètement perdue et pas assez préparée pour sa rencontre. Elle a alors choisi de faire un changement. Je ne sais pas comment m'est venue l'idée d'un uniforme de travail, mais bientôt la solution à mes matins d'enfer était là sous la forme de 15 blouses de soie et quelques pantalons noirs. Pour ajouter une touche personnelle, je me suis rappelé que ma mère adorait mettre des boucles dans mes cheveux quand j'étais enfant. Alors, j'ai choisi d'ajouter une petite ficelle en cuir autour de mon cou en hommage à maman. Elle est la première à admettre que l'idée d'un uniforme de travail n'est pas une idée nouvelle. Un grand nombre d'hommes portent la même chose au travail tous les jours. Pour elle, le genre est au centre de ce problème. Les femmes ont beaucoup plus de pression pour avoir l'air parfaite sur une base quotidienne. Aujourd'hui, je me sens non seulement bien dans ce que je porte, mais je ne pense plus à ce que je porte. Hein? C'est-tu pas une bonne idée? Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.